Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier de 50 nuances des gris. Particulier parce que c'est notre épisode anniversaire, 12e épisode. Alors ça fait un petit peu plus d'un an puisqu'on n'est pas forcément très régulier, mais voilà, on voulait marquer le coup, donc le programme est un petit peu spécial. Je suis donc avec Ludo et Yannick, bonjour à vous deux. Bonjour, bon anniversaire Florian. Merci toi bon aussi. Bon anniversaire. Ça fait quel âge ? Bon anniversaire tout le monde. Ça fait un an. Voilà. Je suis un petit peu précoce. Ah oui. Et donc, Giulio que vous entendez. Bonjour Giulio. Ah, faut que je dise bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on est poli. Myriam. Bonjour. En fait, il y a tous les invités qu'on a eu sur les épisodes précédents qui sont là. Donc, on a aussi Gaël. Bonjour. Will. Bonjour à toi. Salut. Et Yann. Coucou. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode tordu. Tordu, ouais, tu vas voir pourquoi. Tordu, donc le programme apparemment, donc je dis bien apparemment parce qu'il n'y a que Ludo qui est au courant, c'est un quiz. Et Ludo va nous en expliquer les règles. Et je vais vous en expliquer les règles. Il est fier. Mais quelles seront les règles? Alors accrochez-vous. Donc l'objectif de ce quiz, chers amis, donc 2017, comme vous le savez, a été une année très riche en excellents jeux, hein, sinon vous ne seriez pas là. Et même si c'est pas nouveau, la fin d'année a aussi été marquée par plein de tops à la con. Donc Gaël, en lecteur assidu de Polygone, pourra en témoigner. Assidu. Est-ce qu'ils ont fait leur top des tops? Ils ont fait au moins 3 niveaux de top. Ils ont fait le top des tops, des tops, des tops, des tops. Bref, et donc moi je me suis dit que 50 nuances des gris méritait aussi d'avoir son top à la con, hein, quand même. Et bah, c'est ce que je vous propose qu'on construise tous ensemble au travers de ce petit quiz que j'ai concocté. Un top à la oui, con. Oui, dans donc, l'amitié. Jusque-là, c'est compréhensible. Ouais, je commence facile, genre ça a monté en puissance. Vous voyez pas parce que c'est sonore, mais c'est assez professionnel. Il y a un petit tableau avec des petits numéros, des petits schémas, tout plastifié. Tout comprendre. Pour la cause de la bière et tout ça, c'est bien. Il a fait ça bien, ouais. C'est bien. Alors, le principe de ce quiz, alors, avant toute chose, c'est un quiz chacun pour soi. Donc, ça tombe bien, vous êtes 7 participants, je l'ai construit pour 7. Donc il n'y a pas d'équipe, mais vous allez normalement avoir la possibilité de créer des petites alliances au cours du jeu. Donc j'espère que ce sera un petit peu fourbe quand même, sinon c'est pas marrant. Des trahisons, j'espère. C'est possible, il y a plein surtout d'options. Ouais. Ça dépendra de vous tout ça. Moi j'ai créé les règles, après à vous de faire les fourbes. Je vous explique le principe au global du jeu, et après j'entrerai dans les détails de chaque élément. Donc je vais juste vous poser des questions afin de vous faire deviner des jeux de 2017, puisque là c'est facile. Y répondre, ça vous permettra de positionner ces jeux. Donc sur le magnifique classement dont Gaël parlait, donc plateau classement qui contient pour l'instant 21 cases vides, qui sont les 21 jeux qu'il faudra deviner au fur et à mesure du quiz. Et à mesure que le jeu avance, vous allez aussi accumuler des sortes de points, donc on va appeler des power-up, que vous pourrez dépenser pour faire évoluer le classement grâce à un système de vote. Wow. Oh les têtes. C'est bon pour le principe global. Donc la partie elle va se dérouler en tours. Sachant que chaque tour comportera deux phases. Donc il y aura d'abord la partie quiz. Donc je poserai une question à tous les participants et le but sera de deviner le titre d'un jeu, donc classique. Celui qui trouve le jeu aura le droit de le positionner sur la grille. Où il veut. En fonction de où il veut et où il y aura de la place. Mais il faut payer des power-up. Non, pour l'instant tu réponds juste à la question, tu gagnes la petite étiquette du jeu, tu la positionnes sur le top. Mais par contre tu gagnes aussi un power-up. Mais tu la positionnes où tu veux. Là où il y a de la place. Donc genre même sur le premier. Le premier jeu du quiz, tu peux le mettre en top 1 si tu veux. Il n'y a pas de tarot pour où tu veux le mettre. Par contre, donc tu le positionnes là où il y a de la place. Ça va pas être en fonction du niveau où tu as aimé le jeu. Ah bah, tu préfères si, d'accord. D'où l'intérêt de répondre et de trouver le jeu, c'est que tu peux positionner ton jeu où tu veux. Et si tu veux le déplacer, tu payes des power. Ça viendra. C'est un jeu de rapidité, je veux dire, où tu poses la question à personne. Ah oui, alors j'expliquerai après, t'inquiète. D'accord. Ah. Là, je vous présente comment ça se déroule un tour. Donc, cette phase de quiz avant où vous allez positionner un jeu à chaque fois. Et après cette phase de quiz, il y aura la phase de vote. Donc, à chaque tour, en fait, je vais faire circuler un objet, genre une bière ou une manette qui symbolisera le tour de la personne en question. Qu'en gros, le fait d'avoir la manette ou la bière, ça signifiera que c'est votre tour de vote. Et par la même occasion, vous aurez systématiquement un power-up offert. C'est cadeau. C'est sympa. Grand prince. On est généreux chez 50 nuances d'écrit. Donc en fait, le principe des votes, c'est tout simple, c'est dépenser vos power-up pour modifier le classement. Pour ça, il suffit de suivre les indications du merveilleux plateau que je vous ai imprimé. Où vous voyez le nombre de power-up qu'il faut dépenser pour faire monter un jeu dans le classement. Donc, par exemple, passer de la 6e à la 5e place, ça vous coûte un power-up. Et par contre, vous voyez qu'il y a des paliers aussi. Par exemple, pour rentrer dans le top 3, ça va coûter 2 power-up. Bref, il faut suivre le plateau, c'est tout indiqué. Et je pense que je le mettrai en ligne pour nos 350 000 auditeurs pour qu'ils puissent... Oui, au moins. Et en 5 langues, au moins. En 5 langues, au moins. C'est que les seuls auditeurs, ils sont autour de la table. C'est facile, quoi. C'est très bien que c'est international. Mais attention, les votes, c'est quand même plus complexe, parce que si vous souhaitez ne pas modifier le classement, vous pouvez aussi faire un vote de sécurisation. Oula, c'est-à-dire que vous pouvez placer un power-up maxi sur une position donnée, donc là où il y a un jeu normalement, ce qui augmentera le coût des prochains votes pour les autres joueurs. C'est valable qu'une fois, hein, bien sûr, si vous mettez, si vous blindez sur la première place, une fois que la première place a sauté, les power-ups que vous avez mis en sécurisation dégagent. C'est clair ? On pourra faire un tour pour rien. Est-ce que les power-ups peuvent se cumuler ? Est-ce que ça veut dire qu'entre 2 et 1, on peut avoir 6 power-ups si tout le monde cumule ? Oui, mais tu les mets qu'un à la fois. Mais si le prochain vote, il veut mettre aussi le prochain vote, oui, il veut mettre un par contre, si ça saute une fois, ils sont tous partis sauf ceux qui sont déjà sur le plateau. Okay. Alors, est-ce que le quiz est assez bien conçu pour pouvoir foutre Mass Effect Andromeda en premier ? Oui. Faisons ça. Directement, oui, à peu de choses près. Dernière alternative sur les votes, si vous ne voulez pas voter ce tour-ci, vous avez le droit, vous pourrez aussi désigner en alternative une autre personne pour voter à votre place. En faisant ainsi, vous gagnez un power-up supplémentaire. C'est bon. Par contre, la personne à qui vous céderez votre droit de vote gagnera elle aussi un power-up supplémentaire. Oh. Vous commencez à sentir là les possibilités de fourberie, genre ah, toi tu votes dans mon camp, je te donne un power-up, comme ça j'en gagne un. Par contre, la personne à qui se voit transmettre le vote gagne un power-up, et par contre elle doit obligatoirement en dépenser un minimum. Donc elle doit voter, c'est-à-dire en dépenser un mini. Donc après vous pouvez faire comme vous voulez. Les votes, c'est tu dépenses un à tous tes power-up. Ok ? Ok. Donc au total, vous êtes 7 participants, j'ai prévu 21 jeux comme l'indique le tableau, il y a 28 questions en tout, donc ça c'est pour éviter les doublons et que vous procédiez par élimination à la fin, et ça fera donc en gros 4 rondes, 4 rondes de 7 questions, 28 questions, voilà. Donc 4 questions par personne. À peu près, enfin vous deux, okay. C'est pas vraiment, les questions elles sont pour tout le monde. Il n'y aura pas de vote pour la première tourne, normal il y aura peu de jeux, donc première tourne on fera juste des quiz. Et à la fin du jeu, une fois que le quiz sera terminé, on procédera à une dernière séance de vote où chacun devra dépenser les power-ups qui lui restent et qu'il aura accumulés. Et l'ordre des votes, par contre, sera déterminé par ceux qui ont été meilleurs au quiz. C'est-à-dire que je vais compter qui gagne et les plus mauvais commenceront par voter et ceux qui ont été meilleurs voteront en dernier. Okay. Ça me semblait plus juste. Donc la dernière chose qui me reste à expliquer, c'est les règles, enfin les questions que je vais vous poser, qu'est-ce que c'est. Donc j'ai dit à chaque tour, le but, ce sera de deviner le titre d'un jeu dans la phase de quiz. Donc vu qu'on est dans 50 nuances d'aigris, j'ai compilé les avis de joueurs sur le net, plutôt aigris eux aussi, puisque je suis allé piocher dans les critiques les plus assassines de la merveilleuse communauté de jeuxvideo.com. Plein de trésors. Donc ce sera très simple, je vous lirai la critique que j'ai sélectionnée, et il faudra tout simplement deviner quel jeu il s'agit. Par contre, pour éviter que ce soit la foire, on va instaurer des règles pour donner une réponse. Donc si vous voulez répondre, suffit de dire votre nom dans le micro et je vous interroge. S'il y a un doute entre deux personnes, je prendrai toujours celui qui a le moins de power-up. Mais on peut répondre autant de fois qu'on veut ? Non. C'est-à-dire que si tu te trompes une fois, t'as plus le droit de répondre pour ce tour-là. Logique. Donc faut pas balancer des conneries. Donc en gros, si vous avez une idée de ce qu'est le jeu, vous dites votre nom, je vous interroge, si c'est bon, c'est fini. Sinon, les autres ont encore le temps de répondre. Si personne trouve, c'est moi qui place le jeu sur la grille. Ça va pas arriver normalement, quoi. Mais c'est au cas où. Est-ce que tu vas faire des petites imitations aussi ? Ah, tu vois, je pense que j'aurais pas le niveau pour faire aussi bien. Oh, peut-être une fois que je m'emballerai, que j'aurais bu une ou deux bières. Mais... Est-ce qu'il y a fan de coach ou pas ? Il a pas posté sur jeuxvideo.com. Oh, est-ce que tu vas dire. Ouais. Est-ce que tu vas dire emoji Noël ou pas du tout ? Les emojis, est-ce que tu vas les dire à l'oral ou... S'il y a des emojis dans les critiques, ils en mettent beaucoup sur jeuxvideo.com. Je dirais smiley souriant. C'est Noël. Wink. Oui, j'en ai pas, mais je les ai repimpés un peu les trucs parce qu'il y en a qui mettaient le nom des fois, donc j'ai un peu retouché les choses, mais il y a du lourd, hein, vous verrez. voilà, moi j'ai fini pour les explications. Donc si vous n'avez pas de questions. Non, mais ouais, je pense qu'on va quand même faire une petite pause avant de lancer le truc. Oui, tout à fait. Donc c'est bon ? C'est parti. C'est parti. Allez. C'est moi le patron, donc c'est moi qui reprends la parole, et donc on va attaquer sans plus attendre ce merveilleux quiz. Aïe aïe aïe. Donc, jingle premier tour. Du premier tour. Donc je vous rappelle, premier tour uniquement des quiz pour cumuler des power-up. Donc j'ai commencé par le premier avis. On a tous eu un power-up, faut le dire. On a tous eu un power-up parce que pour que ça ait du sens pour les autres. Vous avez tous cumulé un power-up, donc je vous l'ai déjà donné. Je vous rappelle, donnez votre nom dans le micro, je vous interroge. Et on peut pas donner le nom de quelqu'un d'autre et il est obligé de répondre, ça marche pas. J'interromps mon avis quand bien sûr il y en a un qui a donné, je le terminerai après. Faut vraiment qu'on dise votre nom. Faut pas attendre la fin de l'avis. Est-ce que tu peux pas commencer par je suis, je suis ? Ah ouais ! Je suis Rafatok. C'est ça, Rafatok qui a mis 0 sur 20. Ah bon, ouais. À quel jeu? Alors, attention, les pseudos. Écoutez bien. Gameplay inexistant. Jeu ultra hipster dans son approche et sans aucune idée réelle, que ce soit dans son histoire comme dans sa bande-son. C'est comme le diapo d'image de votre famille partie en vacances. Il ne s'agit pas d'un jeu... Yann. Il avait levé la main avant tout. Oui, mais il a fallu dire son nom, Will. Il a pas dit son prénom. Il faut dire son nom, Will, dans ouais, le micro. Non, c'est... Voilà. Okay. Edith Finch. Edith Finch, ouais. Ah, finesse. Non, ouais. Dites bien votre nom, c'est pour ça que j'ai dit votre nom, parce que j'ai les yeux sur le truc et... Alors, bah Will, tu gagnes un power-up. Félicitations, premier power-up de la partie. Bah, pas du pas, non. Ouais. Non, mais moi j'allais dire Life is Strange Before the Storm. Ah ouais, en fait. Bah vraiment un peu. Et donc faut le placer. Là faut le placer, ouais. Non, oui, faut le placer, oui, tout à fait. Le mec qui a pas compris son quiz. Alors on va t'expliquer les règles, Ludo, t'as pas écouté. Donc tu le places où tu veux, Will. Ah bah on va le mettre. Et si tu veux, pendant que tu le places, tu peux. T'as deux secondes pour dire vite fait si c'était bien, si t'as pas aimé ou quoi. Bah moi je vais le mettre en 6ème position, parce que ça reste quand même un bon walking simulator, on va dire. Donc assez marquant quand même, visuellement était quand même assez chouette. La narration était chouette aussi quand même. C'est le gros point fort. Donc ouais, puis l'environnement, tout, enfin la maison comme elle était designée, c'était vraiment, enfin voilà. Après ça m'a pas marqué autant que j'aurais peut-être pu l'espérer, mais on va dire ça reste quand même une bonne expérience. 0 sur 20. Ok. 0 sur 20 quand même, franchement. En fait, Toc, là, ne partage pas ton avis, hein, il a mis 0 sur 20. Oh non. Donc c'est comme le diapo d'image de votre famille partie en vacances, il ne s'agit pas d'un jeu, passez votre chemin. Il y a beaucoup d'avis là-dessus, genre oui, c'est pas un jeu, ça n'est pas un jeu. Mais après ouais, on peut ne pas aimer, hein, mais bon, 0 sur 20 quand même. Ouais. Il faut savoir où tu mets les pieds quoi, quand tu penses dans un walking simulator. Oh, jeu de mots. Allez, on enchaîne. Après ce bon jeu de mots, on enchaîne avec Albion qui a mis 6 sur 20. Albion déjà. Un avis que j'estime être plutôt facile. J'avais acheté ce jeu en toute confiance au vu des notes des lecteurs. Je le regrette, car après avoir terminé l'aventure principale en à peine 10h30 de jeu, je ne ressens que de la frustration. Le jeu a une trame scénaristique pour bébé. Les personnages sont 10 mondes parodies de shonen, manga, la profondeur en moins. Et quand on sait ce qu'est la profondeur de la plupart des shonen, ça en dit long. L'héroïne, Égérie Mutique en panoplie d'Atex Noir, n'a d'utilité scénaristique que pour provoquer les questions infantiles de son acolyte. Oui. Nier Automata. Bravo. Oh, non, c'est pas possible. Bah, il a dit en cuir, en vinyle. Ah, oui, c'était un signe. Ouais, Moi, je me suis mis mes indices en voix. Oui, il va tout refaire. Je me mets mon avis quand même, parce qu'il est bien. L'histoire du jeu peut se résumer en 3 lignes que je ne dirai pas ici par souci de spoiler. Alors, moi, je dirais 6 sur 20, c'est une honte. Ah non, c'est déjà donné. Je te dis non. Je réponds pas à la prochaine. Je réponds pas à la prochaine. Il triche le mec direct. Non, je réponds pas. Faut pas le placer là. Donc, que les amateurs du genre se dirigent plutôt vers des films comme Blade Runner et autres IA, l'expérience sera moins chronophage et beaucoup plus intense. C'est quoi le rapport? Je te dis non, parce que je me suis gouré de lignes. Et du coup, j'ai décalé et j'ai quand même lancé. C'est pas grave, je réponds pas à la suivante. Il m'a eu à partir du moment où il a marqué vinyle. Oui. Voilà, cuir. Tu dis. Bah moi j'étais genre Bayonetta, il n'y a pas eu Bayonetta. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a sorti sur PC cette année en plus. Ouais. Donc ça aurait pu. Donc Will, tu vas te faire ton top tout seul. Hein. Dis-nous ce que t'as aimé. Oui, dis-nous directement ce que t'as aimé. Si vous voulez, moi je fais la grille. Bah moi je le mets en numéro 1, Nier Automata. Alors lui, il dégage très vite. Bah c'est simple, c'est mon GOTY. Voilà. Pour moi, c'est le GOTY 2017, donc j'en dirai pas plus. Voilà, okay. C'est les musiques extraordinaires. Ouais, enfin, j'économise 3 power. Ouais, c'est mon GOTY. Gaël, on s'habille. Oui, mais on va le faire. On enchaîne avec Mouche Bzzz. qui a mis 5 sur 20 sur un avis dont la difficulté, j'ai mis ça à moyen. Alors, un scénario comme on en voit tout le temps. Des ennemis qui se ressemblent quasi tous dans des niveaux qui se ressemblent presque tous. L'ennui va vite vous guetter. C'est l'apologie de la paresse. Je ne supporte pas les jeux qui vous respawnent des ennemis dans votre dos lorsque vous retournez dans un niveau déjà nettoyé. Ce n'est rien d'autre que de la paresse, un moyen chip. Prêt ? Ah, prêt ! Bah là, c'est mon seul jeu que je peux répondre. Maintenant, je peux dormir. J'avais ouvert la bouche, j'allais le dire. Je termine mon avis pendant que tu positionnes ton jeu à ta. Faut bien un power-up aussi après. Ouais. Histoire que ça va quelque chose. Je pense à tout. La fin est drôle, je crois. Ce n'est rien d'autre que de la paresse, un moyen cheap de rallonger la durée de vie du jeu. Rajoutez à ça une difficulté mal dosée. Bien des ennemis qui one-shot même dans les niveaux de difficulté les plus faibles et vous avez un super cocktail pour un jeu raté. Ne cherchez pas le fun, ce sera lui la proie du jeu tout le long. Merci. Je vais mettre ça en quatrième parce que c'était rigolo, mais c'était quand même pas génial. Non, c'était bien. Mais c'était bien, mais ça vaut pas un deuxième ou troisième, quoi. Oui, mais tu peux pas le mettre en 4 et dire que c'était pas génial. Bah, c'est clair. C'est moi qui choisis. En fait, ça vaut pas un Nier Automata. Oui, Oui, c'est très bien, mais du coup, il dit c'est pas le jeu 4, mais c'est pas génial. Ouais, mais tu vois, comme on va virer Nier Automata, si je le mets en deuxième, il va finir premier, puis c'est pas. Non, parce que Prey va remonter, du coup. Bah oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut le mettre. Il y a des alliances après les trahisons. C'est ce que je veux. Ça va, 4 fourbes, c'est exactement ça. 4, ça va encore, ça va. Oui, mais tu dis c'est bien, c'est pas génial, génial. Gagne des points. Allez, on enchaîne. C'était pas parfait. Ouh là là, il a un nom à la con. Allez. C'est 2D4 R4 for you, je sais pas quoi, comment ouais, ça se prononce. C'est Star Wars, ça. Ça, bien. Ça doit se dire Darko, je sais pas quoi. Il a mis 1 sur 20, sachant que la vie est un peu vague, donc j'ai un deuxième avis derrière pour compléter. Mais vous pourrez quand même trouver très vite. Mais quel pur jeu de fils de pute. Jamais compris ce genre de concept. Des niveaux impossibles, juste bons à te donner la rage. Je soupçonne les fabricants d'écran d'être dans le coup pour se refaire sur le dos de ceux qui éclatent le leur. Yannick. On enchaîne... Cuphead. Bravo Yannick. Ah, j'ai failli. Pourquoi les vendeurs d'écran? Parce que tu casses ton écran. Parce que tu mets le point dedans. Oh, vendeur de manette et le petit power-up, s'il te plaît. Le petit power-up. Hop. Donc je continue avec le deuxième avis que j'avais au cas où. Le jeu est magnifique visuellement, mais tellement difficile. Dommage que le gameplay soit si hardcore. Le jeu devient énervant. Cuphead. Power-up pour Will. Même à deux, des niveaux demandent des dizaines d'essais. On finit même par plus s'amuser. Donc, c'était vraiment pour vous aider. C'est un placement stratégique ou... Voilà, c'est en fait, je suis sûr que donc là, j'ai mis en 3, je suis sûr qu'il va baisser. Mais l'ADA est quand même tellement incroyable que faut essayer de le mettre assez haut. Tu as joué, Yannick ? Alors, malheureusement, non. Et tu le mets en 3 ? Je le connais par cœur, mais voilà. Mais je sais qu'il va baisser en fait. Donc... Tu remarqueras quand même que sur les 4 premiers jeux, ils sont dans le top 6 hein, sur 21. Oui, oui. Bah, j'imagine que vous allez plus vous battre pour les premières places que le top 19. un jeu comme Cuphead, on n'en verra jamais un autre qui ressemble à ça. Il faut au moins le mettre en haut, au début. Ok, on enchaîne avec Ferguson 100 000, qui a mis 10 sur 20. C'est 100 000, j'adore. Alors, lui, il est bien, ouais. Allez-vous mettre une balle ? C'est une communauté de merde ici, c'est le deuxième commentaire que je poste sur un jeu, et incroyable, on me fait chier aussi. Vive la liberté d'expression, marre de marcher sur un champ de mine ou même un simple oui, bonjour est mal interprété. Call of. Non. Mais bien tenté. Où en étais-je ? Ou même un simple bonjour est mal interprété par des boutonneux prépubères frustrés. H comme histoire, ça j'ai pas compris. Arrêtez les faux rôlistes et autres puristes du 20 sur 20. Je répète donc ce que je m'étais galéré à écrire. Ce jeu est une merde, contrairement au premier qui était parfait. Divinity ? Bravo, ouais, tu m'auras coupé l'herbe sur pied. J'allais le dire. Franchement, j'ai pas dit Call of. T'as dit jeu de rôle, j'ai fait rôle, machin. Je fais ok, c'est bon. Donne au monsieur, s'il te plaît, donne son power-up. Merci. En 19ème position. Le premier qui était parfait. Ils ont certes un peu étoffé l'univers, mais le design et le gameplay ont été revus et c'est là que ça merde. Au début, rien qu'en créant mon perso, j'ai flippé quand j'ai vu les gueules revisiter des persos façon Playmobil et les animations durant les combats ont elles aussi été revues et ça coince sec. En gros, ça vaut pas le premier. Alors maintenant, faut que je le place. Mais j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais j'y ai pas joué et Après tu peux, si vous voulez en parler, quelqu'un d'autre peut en parler à ta place. Tu le mets sur le 2. Non, je mets pas sur attention, le 2. En fait, non, attention. Il mérite pas un 2. Ouais, une 21ème mais... place. Très sympa, mais il mérite pas un 2. Il mérite un 1, c'est vrai. Ouais, ouais. Non. Bah tu le mets sur le 5. Non, moi j'ai envie 7. Qu'il y ait un peu du suspense dans les power-ups, je vais le mettre sur 5. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont quand même d'accord, donc je vais le mettre sur 5. Mais j'y ai pas joué, donc je peux pas trop en parler. Est-ce que quelqu'un va en dire deux mots ? Il est très bien. Moi je vous ai assez saoulé avec donc. Ouais, c'est vrai. Non, ok. Oui, rendez-vous à l'épisode. Il est trop simple. 8, 9. 9. Ok, alors j'en suis où moi ? Death of Game. De quoi ? Death of Game. Oh, Death of Game ? C'est pseudo. C'est pseudo. 9 sur 20. La vie est facile. Bon, déjà techniquement, c'est pas fou. Clipping et aliasing sont de sortie. Le jeu dure 5 heures en ligne droite. C'est maigre pour une exclusivité d'envergure qui arrive en période creuse. Pourtant, ils ont gonflé artificiellement la durée de vie avec un grand nombre de trucs à collecter dont l'entreprise devient vite lassante. Yannick. Horizon ? Non. Ah merde. Est-ce que tu veux Zelda ? Non. Mimi ? Assassin's Creed ? Non. Non, c'est pas une exclu. Ah non, 5 heures de durée de vie, Si encore le jeu proposait un peu de challenge, la durée de vie n'aurait pas tant souffert. Les gosses seront contents de finir le jeu, les doigts dans le nez, pas les autres, frustrés par la facilité déconcertante du jeu. Concernant le mode histoire, 404 not found. Est-ce qu'il y a besoin de développer quand on sait qu'il faut aller sauver l'autre cruche ? Yann. Mario Odyssey. Oui. 5 heures en ligne droite pour Mario Odyssey ? Oui. Après, il y a des conneries dans les... C'est pas ma faute. Hein. Les mecs qui disent qu'ils ont fini en 2 heures, la ponctuation est à chier, c'est pas ma faute non plus. Mais surtout, il parle de clipping, de trucs comme moi, ça. Moi, c'est le clipping qui m'a... J'aurais pas pensé à Mario, parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait du clipping sur Mario. Non, il y a pas vraiment de bug. Pas ma faute. Je pense que c'est peut-être parce que c'est du clipping, ce bon vieux Death of Game. C'est la communauté de jeuxvideo.com aussi. Ton power-up, c'est bien, parce qu'en plus, toi, tu l'as fait, Mario Odyssey, donc tu vas pouvoir nous dire tout le bien que t'en penses. Petit aigri. Oui, c'est un bon jeu, je vais le mettre en 12. Parce que. Parce que c'est un très bon jeu. C'est un Mario, quoi. Voilà. Ok, il aime pas Mario, cet homme. Si, c'est bien, mais bon, c'est pas. Et ça, il bougera pas. Une question. Dans la longue lignée des Mario, tu le mets où? En 12. En 12, ouais. Non, je sais pas. Un Mario Maker, c'est un top sur les Mario. C'est juste un top. Pour moi, c'était pas hyper marquant. C'est un bon Mario. Oui, c'est un bon Mario, mais sans plus. Donc, c'est un bon jeu pour cette année. Polygon le met en 1 dans le top Mario, je crois, de cette année. Ouais, je pense. Je pense que dans le top Mario l'année prochaine, il sera en 12. Non, je crois qu'il est en 1. C'est celui de Wii U, je crois. Tu veux dire que c'est le meilleur Mario? Ah oui, c'est Wii U. C'est Wii U, exact. Bien sûr. C'est le top des Mario de cette année, il est en première position. Ils sont trop forts. Incroyable. Mais on a pas testé le nouveau mode Luigi Ballon, donc ça se trouve, ça révolutionne le jeu. Ça peut tout changer. T'as pris ton power-up, c'est pas de me baiser. Ouais, ok. On enchaîne donc la dernière question de ce premier. Première déjà, mais ça va trop. Après, il y aura les votes qui vont commencer. Donc, alors, c'est un avis où j'en ai mis plusieurs parce que c'est un peu vague. On commence par Salmo Kill You, ok, qui a mis 0 sur 20. Donc, l'avis est plutôt dur. Mais il est très drôle. Ah ouais, 0. Ouais. Ce jeu mérite même pas un. J'espère de tout cœur que les gens qui ont donné des bons avis sur ce jeu soient ou des gens payés par le développeur Will. Ou. Battlefront. Non. Oui, il va tenter au pif à chaque fois. C'est un beau pif. C'est un. Il était. Ou bien des robots de JVC. Parce que dire que bon sur un jeu. Attends. Parce que dire que du bon sur un jeu où les devs sont des gens qui ont aucune étude sur ce qu'ils font, où les devs sont des meufs de 20 ans que sauf se foutre à poil sur Instagram depuis leurs 15 ans n'ont jamais rien fait dans l'univers des jeux vidéo, oui. Ça me tue. Putain. Ah oui. Pourquoi je dis Will? Ouais. Non. Je réponds. Vas-y, réponds Battlefront. Un normal Lost Phone? Non. Bref, si tu voulais acheter ce jeu, je te conseille de chercher sur internet, tu vas trouver entre 50 et 5 millions de vidéos qui vont t'enlever l'envie. J'enchaîne avec El Super Gringo, qui a mis 3 sur 20. Comment massacrer une licence culte? Une équipe de développement de gauchistes et le tour est joué, ok? Mass Effect? Ouais. Bien, ah, mais... ton power-up. Alors, ce qui est bien, c'est j'y étais pas du tout. Le premier descriptif, je voyais pas du tout de il y en a qui sont drôles, donc j'étais obligé de les prendre, mais ils sont tellement vagues. Drôle, mais ça fait pleurer un peu. Développé par une Une équipe de développement de gauchistes, le tour est joué. Pitoyable pour l'époque, scénario, ça casse. Mais c'était que des gauchistes, pas des islamo-gauchistes. Islamo-bobo-gauchistes. Sur ce jeu, il y a tellement de trucs pour le défoncer qu'on peut dire, autre que les devs se foutent à poil sur Instagram. C'est moi, ça, j'ai loupé ça, cette histoire. Ouais, mais... tu sais, je l'ai pas vu non plus. La photo, j'ai pas. Non, ça me dit rien. Alors, j'y ai pas joué. Ok. Mais j'aime bien BioWare. Ok. Mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de mal sur ce jeu. T'as entendu notre épisode? Évidemment. Oui. Ah, attention. C'était le meilleur. Et du coup, je vais le mettre en 14. Ah, pas mal. Bon, alors, le grand projet de le mettre en premier, ça devient très compliqué. Oui. Ouais. Ça va coûter au moins. C'était ton but? Il va falloir répondre à beaucoup de questions. Ouais, c'était pour foutre la merde, en fait, d'élever ça en premier. Bon, Julio, il reste que nous deux qu'on pas de points. C'est un peu la honte. Oui, moi, je pense que je vais rester par là. Hein. Donc, on enchaîne avec la deuxième tourne. Donc là, on va attaquer les phases de vote après les questions de quiz. Donc, ce sera micro. Voilà. Et donc, je rappelle qu'à chaque fois que ce sera votre tour de vote, vous allez aussi cumuler un power-up, même si vous répondez pas. Sinon, les règles sont à changer. Qui va être premier? C'est toi qui vote en premier. On fait dans l'ordre de la table après. Ça vous va? D'accord. Très bien. Ok. Donc là, j'ai un avis d'un mec qui est... Je prends le point bonus tout de suite. Tant qu'à faire. Avec la Ouh là, il commence à servir dans la boîte, hein. Attention. Donc c'est un avis de Zboba. Zboba. Qui a mis 2 sur 20. Et a migré sa plume. Jeu à la caca et à la pipi. Je pense que c'est le livre de l'auteur, ça. Je vais prendre la voix de Morgan Freeman. Avant de commencer mes critiques sur la note que ce jeu ne mérite absolument pas, j'aimerais savoir s'ils ont des musiciens. Putain, le jeu dans sa map, on n'entend aucune musique. Yann? Oui. C'est The Legend of Zelda Breath of the Wild? J'ai pas compris ce que t'as dit. Breath of the Wild. Comment? Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est vrai que niveau musique, il est un peu à chier, mais... Bah non, ils sont trop bien, les musiques. Juste bien distillé. Je finis mon avis, parce que quand même, il est cool. D'accord. On n'entend aucune musique, mais c'est quoi cette caca de merde? Scénario de caca, aucune originalité. Open world gigantesque, une map comme les autres a des limites que tu ne peux pas traverser, des quêtes principales et secondaires... Un jeu fait pour les bébés et non pas pour un vieux comme moi. Pourquoi tu l'as donné une voix black? Ça fait penser au truc de Notre Dame, voilà. Marion Freeman. Non, t'as pas le droit de faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est interdit. Il y a la place numéro 2 qui est libre. Non, elle est pas libre. Il y a les. C'est ça, elle est libre. Non, elle est pas libre. Mais il va pas aller en 2. Ah ouais. Je vais le mettre en. T'as plus le choix. Genre 10 ou 11. Je pense que c'est sa place. Bah ouais, 11 parce que c'était mieux que Mario quand même. Ouais. Non, mais. Alors juste au-dessus, hein. Si loin. C'est oui, super oui, c'est bien, loin. Mais oui, je sais pas. Mais si on a un top qui ressemble à tous les autres, ça va être marrant. Bah oui, c'est pour ça, c'est bien. C'est bien Zelda en 11. Et c'est qui l'a fini autour de la table, Zelda? Ouais. Levez la main, c'est très radiophonique. Oui. Donc tous ceux qui votre avis quand même, vous avez... Excellent, moi j'ai... Ouais. Oui, vraiment bien, ouais. Ouais. Excellent. Mais je ne me prononce pas sur ce de la merde. Mais ça ne mérite pas plus qu'un 12 sur 20. Ouais, mais voyons quoi. Ouais. Non, ah, Julio, j'ai vu ton avis d'ailleurs sur jeuxvideo.com. Je l'ai pas pris. Tu l'as pas pris, franchement. Ça a commencé par caca pipi. Bref, c'est pour ça qu'il a pas donc c'était Zelda. Et change son pseudo. Du coup, tu m'emmerdes pour le vote. T'as eu ton Power Up? Attends. Oui. Ouais. Alors oui, le vote. Voilà, parce donc, que tu as eu ton petit Power Up. Je voulais remonter Mario Odyssey pour lui faire passer le palier parce que c'était pas possible. Sauf que maintenant, ça veut dire baisser Zelda. Mais ouais, baisser Zelda. Et non, mais je vais mettre un point pour remonter Zelda d'une place. Oh. Du coup, bravo. Non, bravo, bravo, j'approuve, j'approuve. Bah, bravo, c'est vrai que j'ai tous les pouvoirs, peut-être qu'il y a une règle secrète à la fin du jeu qui fait que c'est moi qui construis. À la fin, je vais tout changer, c'est moi qui fais ce que je veux. Je sens que mes règles complexes vont pas être utilisées du tout. N'oubliez pas que vous pouvez céder vos votes, hein, sécuriser des positions, t'inquiète, je rappelle. Hein. On enchaîne avec Caca Noël et Mouvie 5. Il y a que du caca. Qui a mis 1 sur 20. Alors celui-là, il est pas facile, il y a des indices, mais il m'a fait crever d'ailleurs. Je déteste les œuvres où on prend un peu de chaque univers et puis on mélange tout en une sorte de mélasse immonde où ça fait boum boum et puis pam pam. Mimi, Horizon ? Non. T'as j'allais le j'aurais dire. Cru que Will se balance direct là pour tenter quelque chose, mais bon. Il y a aucun effort de création, aucune cohérence. C'est juste une orgie sale, violant chaque univers que les doigts dégoûtants des développeurs capitalistes ont touché. Oh là là. On peut, on aurait pu comparer les époques. Star Wars Battlefront ? Non. Les époques, les armes et les guerriers, faire un travail historique et scientifique. Ouais, c'est bon. Moi, je lui cède parce que... Ouais. Moi aussi. Non, vas-y. Ah, vas-y. For Honor ? Oui, For Honor. Tellement bien, For Honor. Je vais finir parce que j'adore les avis prétentieux, mais stupides. Donc, hop, tiens, je te donne ton petit For Honor à placer, je te donne ton petit power-up et je continue mon avis. Faire un travail historique et scientifique. Ok, c'était intéressant, un travail de fond. Mais le jeu, ce n'est pas ça. Ce jeu se rend juste dans la lignée des jeux à la mode du moment, c'est-à-dire celle des jeux vidéo et feignants, ne proposant que du boum-boum et du pan-pan, en ligne avec peu d'efforts, peu de création, peu d'inventivité, peu d'intelligence, peu d'émerveillement, peu de recherche, bref, peu de qualité, peu d'investissement pour un max de profit. Rajouter ce mélange ignoble, bête et méchant d'univers différents, non pas pour tabler dessus, mais au contraire pour les exploiter jusqu'au rognon, en visant le Kevin moyen, et on obtient donc cette insulte aux jeux vidéo. Un jeu débile pour des débiles ou des pigeons, parce qu'évidemment, ça ne vaut pas plus de 15 euros et que le scandale, il est là, ma bonne donc, dame. Donc Yannick est un débile ou un pigeon, c'est ça en vrai, c'est ce qui est magnifique, c'est qu'il n'a juste rien pigé. Moi, j'adore parce qu'il a des arguments de mecs trop genre « Ah ouais, non, ils ont trop fait de la merde avec les univers. » Moi, c'est le boum-boum-pam-pam, ouais, ça m'a perturbé. Ouais, ça faisait un peu de tir, ça faisait pas... Il n'y a pas que des fausses pistes, c'est pas mal que je fasse des avis et qu'il y ait des situations. Non, alors... Si tu veux, il y a un perso qui peut balancer des tirs satellites quand même hein, sur. Ah oui, c'est vrai. Il y a des drones aériens dans For Honor. Ah, donc où tu le places c'est, je vais mettre. T'as un truc où tu balances un truc de catapulte, ouais, mais qui arrive à 80 degrés au-dessus, donc c'est vraiment le tir satellite qui arrive sur la gueule. Je vais mettre en 7ème position. 7ème, ah quand même. Ah ouais, parce que. Ah, t'es joué, t'as kiffé For Honor. En fait, ah, mais il est bien, je m'attendais rien, j'ai testé la bêta et j'ai tout de suite accroché, et c'est vrai que j'y ai joué genre un mois ou deux à fond. Et c'était vraiment bien quoi, le système de combat, ils ont vraiment réussi à faire un truc super cohérent qui marche bien. La réalisation est bonne, enfin, le jeu est bien foutu quand même, il est fluide, c'est joli. Bon, il y avait la connexion peer-to-peer qui a un peu fait rager les gens, maintenant ils ont des serveurs dédiés, mais ce qui est chiant c'est que plus on montait de niveau, plus les gens avaient des stuff bizarres et du coup ils arrivaient à faire des combos infinisants que tu pouvais rien faire et... Heureusement qu'il y a encore des modes de jeu où le stuff n'est pas pris en compte et c'est juste du skin donc ça rattrape un peu. Mais c'est l'un des rares jeux où t'as vraiment le stress du combat quand t'es en 1 contre 1 et c'est vraiment cool pour ça. Quoi. Ouais. Ok, donc c'est. Julio de voter. C'est le tour de vote de Julio. Alors moi j'ai envie de dire que Yannick, tu tenais vraiment beaucoup à faire passer le palier à Mario. donc je te cède mon vote. Oh, voilà, c'est beau ça. C'est beau. Vu, donc c'est tu gagnes un power-up Yannick et tu gagnes un power-up pour cette générosité. Merci beaucoup. Julio. Mais sachant qu'en fait il fait ça pour me faire cramer un point parce que c'est 2 points pour faire monter. Non mais c'est surtout pour que tu le passes à 11 parce que moi je suis d'accord qu'il doit être quand même dans le top 11. Mais pas que tu peux dépenser plusieurs power-up. Hein. Oui et je peux très bien ne pas le dépenser pour Mario du tout mais ce serait une trahison peut-être un peu trop tôt. Bah donc oui. Je vais mettre en effet 2 points pour passer Mario à 11. Et Mario il remonte. Ok. On enchaîne donc. Où j'en suis moi. C'est Kamisama 75. Kamisama. Donc Dieu 75 en japonais. Kamisama 5 sur 20, ouais, je sais. Kamisama 5 sur 20. Incompréhension totale sur la note du test. Et tout le matraquage médiatique pour un aussi insignifiant, ok. Dégommer des robots tous les 100 mètres. Ou chasser... Mimi. Oui. Je te laisse, vas-y. Non, c'était toi en premier. Bah, j'ai entendu Mimi. Hein, donc... Bon, bah, Horizon. Oui, c'est Horizon. Tu l'as dit deux fois, donc... Moi, je tranche au pseudo. Non, après, de toute façon, je départage le nombre de power-up et je crois que c'est Mimi qu'on a moins. Que... Oui. Il a mis combien, 1 sur 20 ? Il a mis 1 sur 20, donc je finis. Dégommer des robots tous les 100 mètres ou chasser, c'est tout, et avancer dans le jeu. Voilà le gameplay, ah, la bonne blague, sans parler des graphismes. Magnifique dans les cinématiques, mais totalement moyen dans le jeu. Certains jeux PS3 sont plus beaux graphiquement que ça. Bref, un jeu incroyablement surcoté qui restera pas dans les annales du jeu vidéo ludique. Ah, les annales, c'est important. Les fameuses annales du jeu vidéo ludique. Quels jeux PS3 sont plus beaux quand même ? Je sais pas, faut demander à Kamisama75. Ton power-up, Mimi. Kamisama avec un côté, je le sais. Oui, c'est vrai. Okay. Le jeu, si je suis dans le bon ordre, oui. Alors moi, je vais faire rager tout le monde. Ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Bah moi, non. Contrairement à tout le monde ici. Fallait la boucher, cette place, putain. Du coup, je vais le mettre en 2. Non. Parce que pour moi, il mérite pas d'être en 8 ou en 9. Parce que... Non, je suis désolé. Il n'y a rien entre les deux, donc c'est vrai. Ça va et puis, comme ça, ça va foutre un peu la merde. On est là pour ça. Est-ce que tu penses qu'il est mieux que Divinity 2? Non. Non. Et bah, c'est ce que tu dis là. Oui, mais c'est non, pour un peu. Mais c'est parce qu'elle n'est pas d'accord où est Divinity, c'est tout. Bah, oui, ouais. Moi, je suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, elle va voter pour monter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va monter? Et du coup, alors, là, si j'ai bien compris, vu que les 5 places, 1, 2, 3, 4, les 6 places sont prises, si j'en monte 1. Ça intervient. Ouais, ça intervient. Alors, attendez, hein, parce qu'il faut que je fasse mon petit calcul. Alors, moi, je vais mettre Prey en 2. On dépense 4 donc. Ouais. Pour 4 points. Et donc, tu inverses les positions avec Studio, tu vas pas le monter de 3 places. Pourquoi? Parce que Prey, c'est mon Gotti. Attendez, vous avez inversé 3 et 2 là, non? Non. Prey était en 3? Non, puis pour défendre Horizon, moi j'ai bien aimé aussi. Franchement, j'ai en fait un pied. Les combats étaient géniaux. Le gameplay est bon. L'ambiance, une nouvelle franchise, c'est quand même assez costaud. Il était relativement dur, donc bon point. Après, il faut peaufiner pour une suite, mais si on peaufine bien au niveau des quêtes secondaires, je pense que ça peut vraiment donner un bon jeu. Bah, carrément. Tu as joué en mode facile? Non, j'ai joué en mode difficile. J'ai trouvé super ça. En fait, le problème de Horizon, à partir du moment où tu chopes le shotgun... Ouais, dès que t'as une arme qui vaut le coup, après, c'est bidon, quoi. Là, je dirais, moi, le problème d'Horizon, c'est qu'il a été en frontal avec Zelda, et c'est ça le mal d'Horizon. Mais en fait, la comparaison, je trouve qu'elle est un peu stupide, parce que c'est deux jeux... Entre Zelda et Horizon? Oui. Mais je trouve qu'Horizon, ils faisaient bien le boulot. Quoi. Oui. Je trouve que sans le comparer à Zelda, il était pas terrible. Mais bon. Ouais, mais on peut pas comparer. Le système de combat était vraiment bien. Quoi. Les trucs contre les robots, c'était super. C'était vraiment cool. C'est tondu. Et surtout, tu remarqueras que dans les 50 nuances degrés, à chaque fois qu'il parle d'Horizon qui est mauvais, il le compare à Zelda qui est bon. Tu vois très bien la culture du jeu vidéo de ces aigris. C'est uniquement parce qu'on les a testés en même temps. Je te retire un point pour cette attaque. Deux power-ups, s'il te plaît. Allez, on envoie. Là, je l'ai pris sur Amazon parce que j'en ai pas trouvé énormément. Donc, attends, il s'appelle. Bien micro. Bien micro. À Gaël. À moi. Oui. Avec un power-up gratuit. Il s'appelle Client d'Amazon. Oh. Ok. J'ai mis le jeu dans ma boîte, il marchait pas, voilà. Je l'ai remballé. Merci. Merci. La livraison, ouais. 5 sur 5. C'est le jeu en espagnol. Je demande le remboursement. Il a mis 1 sur 5. Une étoile sur 5. Donc, je ne vais pas noter le contenu du jeu parce que j'ai pas pu le faire. Pourquoi ? Yannick, c'est toi. Simplement à cause du parti pris graphique du jeu. Je suis assez sensible au flash de lumière et à l'action hyper rapide. Ce jeu en est bourré. Rien que l'écran titre est insupportable pour moi avec ce rouge ultra saturé. Ça pète de toutes les couleurs et c'est irregardable. Ça me fend le cœur puisque les précédents font partie de mes jeux préférés. Yann ? Non, Yann. J'avais levé la main bien avant, mais je sais pas. Mais t'as dit le nom, tu sais que je lis un avis, je peux pas trancher, quoi. J'ai les yeux sur le truc. Il y en a qui m'ont vu, mais bon, vas-y, je ne balance pas. Personne à 5 ? Personne à 5, voilà. Non, c'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible. Des flats, non mais. Attends, le mec il dit, ouais, ça pète de toutes les couleurs, c'est regardable, ça me fend le cœur puisque les précédents font partie du jeu. Je regarde vraiment ce choix esthétique, mais je ne peux pas faire ce jeu. Ah, ça va aller direct en 8. Ok. Hop, parce que c'est très très beau. Et voilà, franchement, la DA magnifique, les musiques magnifiques, le scénario très bien, même si c'est très très très très très long. Et ça pourrait se résumer en bien plus concis. Et les plus beaux menus de l'année. C'est ça. Oui. Franchement, oui. Rien que naviguer et tout. Il n'y a pas de place avant, c'est pour ça que tu le mets en 8, c'est ça ? Ouais. C'est au tour de vote de Gaël. Ouais, je suis en train de réfléchir. C'est compliqué parce que j'ai bien envie de foutre sa mère à Zelda quand même. Je vais faire deux votes. Je vais foutre Nier Automata parce que c'est vraiment de la chiasse. En deuxième, je vais mettre Prêt. Il n'y a pas joué, on rappelle. Hein. Non, j'y ai pas joué, mais voilà. Si j'ai pas joué, on s'en fout. Ça me fait chier de le voir en Prêt en premier, je suis pas d'accord. T'as un Prêt en top 1, c'est beau. Hein. Ça, c'est fait. Et puis, je vais voter pour virer Zelda, là, parce que ça me saoule. Donc, je vais monter Mario. Ah, il peut faire ça, c'est pas juste un seul jeu qu'on. Tu peux dépenser un, tout est power-up. Donc, il a dit qu'on pouvait voter. Ah, non, tu pourrais toucher qu'à un seul jeu. Non, tu peux dépenser sur plusieurs, parce que vu que les paliers sont pas forcément. Cher et que tu veux dépenser tous tes power-up, faut que t'ailles sur plusieurs jeux. Dépenser tous mes sous. J'ai plus de sous. C'est bien, Gaël. J'ai plus de sous, le gars. Donc ça fait quoi en fait, parce que moi je vois pas de loin. En fait, j'ai passé Nier Automata en deuxième position, il était en premier, donc maintenant c'est Prey qui est en première position. Et ça j'ai... c'est bien. Et ça c'est faites bien. Un petit topo là comment on en est. Donc alors, on après en première position. En première position, nous avons Prey, que tu le... toi j'ai bien fait de le très mettre bien, c'est en quatrième, il est monté, tu vois. C'est non, mais c'est mérité. Hein. Nier Automata qui espérons va encore descendre. Non, c'est bien. Attends, non, il y a Horizon juste après, vous montez Horizon. Ok, c'est bien. Horizon en 3 donc. Horizon en 3ème, en 4ème Cuphead, en 5ème Divinity, en 6ème What Remains of Edith Finch. Après on s'en fout et Zelda en 11e qu'il va falloir faire passer à l'écran en dessous. On peut plus là. C'est mon prochain défi. Ok, c'est bon les votes, c'est tout passé, très bien. Oui. J'en suis où? Tac. Alors c'est Gros Guerrier. Oh. Qui a mis un avis négatif sur Steam parce que j'ai pas trouvé mieux. Il ne suffit pas de mélanger Castlevania Symphony of the Night avec du Giggler pour faire un bon titre. Yannick. Hollow Knight. Ouais. Mais c'est Hollow Knight bordel. Arrête de dire Hollow Knight. Hollow Knight. Juste quoi. Il est dégainé hein, quand même. Hein. T'as pas eu. C'est facile. Hein. Ouais. Mais celui-là, vraiment, il n'y a pas d'avis négatif sur jeuxvideo.com parce qu'il y a très peu d'avis. Ouais, c'est vrai. Et sur Steam, les avis négatifs sont pas très intéressants généralement sur Steam. C'est ouais, ça rame. Le petit picto a bougé. Le petit picto. Ah oui, c'est moi qui place. Ah ouais, tu peux le mettre au celui-là aussi. Hein, le light, hein. C'est moi qui choisis. Il a son power-up. Il a son power-up. Il est là. Je vais le mettre en 9 parce que c'est quand même un bon jeu. J'ai quand même bien aimé. J'ai passé quand même 40 heures, donc on va quand même rentabiliser. Merci Ludo qui me l'a offert, merci Ludo, c'est gentil, c'était pour mon anniversaire. C'est un beau cadeau, hein, c'est ouais. Quand même. J'y ai passé 32 heures, c'était pour mes 32 ans, merci. Ah putain, c'est pas. Je suis à 36 pas une heures de plus, et je suis à la moitié du jeu, je crois. Ah ouais. 36 heures. Bah, moi j'ai tout platiné, hein. Il me reste plus que le speedrun à faire. Hein. Allez, courage. Je pense que j'ai encore au moins 30 heures à faire, une bonne soixantaine, là, je pense. Bah oui, c'est ton tour de vote. T'as eu ton petit point de vote. J'ai eu mon petit point, okay. Mais moi je pense que je vais tous les garder parce que là pour l'instant ça me convient bien le classement. Donc, tu peux donner à quelqu'un. T'es obligé de céder à quelqu'un. Ah, je suis obligé. Non, il est pas obligé. Si. Non. Tu peux sécuriser hein, si tu veux. Ouais, tu peux sécuriser. Il faut dépenser au moins. Hein. Faut que tu votes. Si, faut qu'il y ait un vote. On va sécuriser Nier Automata. Pour la question. Mon voisin de gauche, il a envie de le faire baisser là dans le classement. Ça veut dire quoi déjà sécuriser? Sécuriser, en gros, il va rajouter un power-up qui va pour augmenter le coût. Ça coûte un point de plus. Donc d'accord, là, tu vois, il faut deux points, deux power-up pour détrôner Nier Automata. Maintenant, il en faut trois. Mets-le sur Nier Automata, voilà, directement, ce sera plus simple. Ouais, mets-le dessus. Allez, on va le sécuriser. Ok. Très bien, on enchaîne avec. Ça dépend dans quel sens tu le sécurises. Tu le sécurises pour monter ou pour descendre? C'est que je réponds pas à des questions ouais, pour non, te pour soutenir. Pour monter, hein. Pour monter, c'est du low end, gros niveau. Non, je vais l'empêcher de descendre. Moi, j'ai besoin de réfléchir. Là, je peux pas répondre de tac au tac. Allez, c'est vrai. Et puis moi, je connais pas les amis. Le micro de vote passe à Yann. J'ai l'avis de Akefalo666 qui a mis 5 sur 20. J'ai le droit de donner mon avis, j'ai acheté le jeu. Pourquoi les modos vous supprimez à chaque fois mon avis? C'est là que vous n'avez pas deviné. C'est une non-démocratie. Ceci, il l'invoque tout le temps, c'est génial. Enfin bref, voilà mon avis, les moins. Je n'arrive pas à profiter d'une bonne expérience de jeu à cause de l'optimisation, c'est désastreux. En ville, je chute à 30 FPS avec plein de saccades, des nouveaux qui mettent mon CPU à 100%. Pourtant, la config recommandée était une R9 280X. J'ai largement plus, oui. Assassin's Creed. Bravo, ah, Maxime. Ouais. J'attendais le prochain Adil. Ouais, c'est en ville, mais bon, en ville avec Assassin. Bah, en ville ramé. Ouais, en ville. Quand je prends le métro dans Assassin, je comprends pas, ça marche pas. Je continue pas. Je comprends pas. Chiant, ça. Quoi, il fait que des blabla. Je comprends pas le en ville. Le métro chameau. Ouais, le métro chameau. Le château. Oulala. Tiens, Métis, tu vas pouvoir positionner un jeu maintenant qu'il te reste plus que les dernières places de libre. Et le foutre en dernier, c'est quand même cruel. Ah, c'est ta première réponse. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié Assassin aussi. Non, je vais le mettre en 12. Très bien. Parce que voilà, c'était un bon petit jeu. Enfin, un bon petit jeu. Un bon petit bon petit jeu. Un petit jeu. Il est clairement pas dans mon top 5 de l'année, mais il est pas loin derrière. Non, mais ça m'arrange, il va passer au-dessus de Zelda après, c'est bien. Ah oui. Pourquoi pas? C'est tout, ton avis. Donc c'est autour de qui ouais. Ça, Yann, Yann, il a 6 power-up quand même. Donc moi, c'est direct, ça va devenir Automata repasse en premier. Oh non. On va se battre, Il est bon. Alors attends, parce que du coup, comment ça fait? J'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'il embarque sa sécurisation ou non? Elle saute. Par contre... mais du coup, ouais, ok. Attends. Parce que si elle saute, ça veut dire qu'il fallait qu'il paye 4. Oui, 4. Ouais, parce que c'était pour monter. C'est ça qui est un peu tendu. Ouais, la sécurisation, c'est pour dans tous les mouvements. Okay, c'est pour dans un. Je pense que c'est plus pour assurer. Tu choisis pour empêcher qu'ils descendent. Pour empêcher qu'ils descendent, je vois mal dire. Je vais me mettre des bâtons dans le dos pour faire monter au prochain tour. Ça peut être une bonne idée de choisir. Donc, du coup, il reste. Ouais, il reste, mais est-ce qu'il reste avec. Ah, pour moi, il reste pas. Non, il saute. Il était sécurisé sur la place niveau 2. Et maintenant, tu dépenses tes 3 autres points pour le redescendre, c'est ça? Non, bah, je vais faire monter Zelda. Oh non. Remonter devant Mario, parce que quand même... Il est là pour te faire chier, là. Et je vais sécuriser Nier. Il va devenir dur à détrôner, là. Ah ouais, donc c'est 4 points. Attends, pour c'est pas fini. Et c'est pas fini. Je fais monter Divinity au-dessus de Cuphead. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est une très bonne chose. Montons. Donc là, t'as Mirror en 5 points, c'est ça ? 2, Horizon en 3, 6. Divinity en 4, Cuphead en 5, Edith Finch en 6. Tout le monde s'en fout d'Edith Finch. Tranquille. L'avis de Mutsu Enmei. Qu'est-ce que ça veut dire en japonais ? Je ne sais pas. Ah, bah, je ne sais pas si c'est du japonais. Est-ce qu'on s'en fout un peu ? 5 sur 20. C'est fou comment les jeux aujourd'hui sont tous de la bombe pour la nouvelle génération de joueurs. Graphiquement, ça ne vaut pas un tombi. Quoi ? Il a dit tombi. Tombi, c'est le jeu avec les cochons, on est d'accord. Oui, c'est le jeu avec un homme de Cro-Magnon. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Ça va vous éloigner tellement de la réalité. Quoi. En plus, l'atmosphère est très lourdingue avec ses voix merdiques. La caméra est affreuse. J'ai entendu Métis aussi. Hellblade. Ah putain, je le savais. Il y a des triggers comme voix, ça qui les sont les voix reloues. La caméra est trafeuse et déplacements ultra mous, encore pire pendant les combats. Je n'ai joué qu'une heure, les énigmes carambars m'ont vite saoulé. Les carambars ? En plus, c'est faut pas carambars. Aller persister un peu, mais si ça continue sur cette voie, ça va être vite vu. Pour ma part, ça ne mérite pas plus qu'un 5 sur 20. Vous écrivez mal, les mecs, c'est dingue. Tu me donnes mon petit encart. Pas... Mais rien à voir avec Tombi, je comprends pas. Ouais, mais Tombi, c'est un sur là, comme ça, Tombi. Alors, ça me fait un peu chier parce qu'il est dans mon top 5 et du coup, je suis obligé de le passer en 13, mon numéro 15. 13 ou 15 ? Ah, il y a 13, bah 13 du coup. Non, mais 15 si tu veux. Il y a de la place. Il y a encore jusqu'à 21. De toute façon, maintenant, les nouveaux jeux, ils vont être tous à la poubelle. Donc, Je sais, je vais pas essayer de le faire monter parce que je sais que de toute façon. Non, je pense que c'est compliqué. Hein. Je veux dire, le voir au-dessus d'Andromeda, ça me fait quand même un peu chier. J'ai eu beaucoup plus de plaisir sur Andromeda que sur Hellblade. Et ben moi, Hellblade, ça a été une très bonne surprise cette année. J'ai plaisir vraiment... sur Andromeda. Oui, c'est dire à quel point j'ai pas aimé Hellblade. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, malgré quelques longueurs parfois sur les énigmes, tout ça. Et est-ce que tu vas voter pour quelque chose maintenant ? Parce que c'est aussi ton tour de vote. Ouais. Et oui. Je vais voter pour quelque chose. Bon, déjà, je vais faire passer Divinity en 3. Oh. Ça, c'est bien, ça. Tu payes 2, hein ? Ouais, d'accord. Ouais, je paye 2. Ouais. Donc, Horizon repasse en 4. Et oui. Je vais sécuriser Divinity. Ah, tu pouvais faire monter Hellblade aussi, hein. C'est vrai que t'as juste non parce que Hellblade il va juste être immontable je pense parce que ça intéressera que moi ou peut-être Ludo je non, sais non, pas non moi ça m'intéresse non, non pas, il hérite hein, quand même hein. Ludo il vote pas c'est vrai donc il te reste des points ou c'est fini il me reste un point sauf mais peut-être à la fin tu peux les garder tes points hein. Tu peux ouais tu peux à partir du moment où t'as voté une fois c'est bon après là j'ai plus le droit de dire je donne un point à quelqu'un quoi. Non t'as fait le choix de voter donc tu ne cèdes pas tes non mais je vais garder mon point du coup ok. Monsieur Dame, on a fini la deuxième tour, donc je vous propose de faire un petit break. Oui. Ok. Et puis on je tiens à dire que après. La seule personne qui n'a pas de points, c'est Julie maintenant. Mais il a plein de points de Julie, il a 3 points. J'en ai 3. Mais partage les points avec Mimi. On est en train de faire une petite stratégie pour monter des points, c'est notre réserve, c'est notre banque. C'est pour descendre Zelda. Allez, petite pause. Ciao. Donc on est reparti pour la suite et on a décidé déjà de modifier quelques règles puisque nous allons doubler les power-ups reçus pour chaque bonne réponse. Objection ! Ah non. C'est bon pour vous ? C'est parti. C'est bon pour donc, nous. Donc troisième tour, donc Yannick sera toi qui va voter. Et c'est l'avis de Willigan qui a mis 0 sur 20. C'est une honte, c'est du vol. Et en plus avec la pensée unique des années 2000, tout le monde le kiffe. C'est de la daube, mal opti, gameplay mais chiant. Oui. PUBG. Bravo, Métis. Wow. Ouais. Gameplay chiant et l'autre rédacteur qui met 17. Vive Super Solus. Je pourrais dénigrer pendant des heures, mais c'est le réveillon de Noël. Je vais être clément. Ah oui, full of glitch et injouable grâce aux serveurs sur lesquels ils investissent pas. Ils préfèrent garder vos thunes pour s'acheter de la drogue. Allez, bé à tous. C'est pas faux. Et on peut savoir quand est-ce qu'il a été écrit, cet avis ? J'ai pas les dates, désolé. On a pu savoir si la date était écrite. Ça devait être après la release, du coup, si ça a été testé. Pas, non, parce que non, la release, elle s'est faite fin décembre. Donc. La version 1 elle est sortie le 27 décembre 28 les tiens, tests, placer PUBG dans le il est sorti 27 ou 28 donc après, ils ont sorti tous les avant, tests pense, bon. Dans les places 15 à 21 qui restent il reste que les places exactement la 21 et la donc 15, tu gagnes 2 points tu les as pris ok il tape dans la caisse les mecs PUBG que j'aurais mis beaucoup plus haut mais tant pis. Ce qui est fantastique, c'est que vraiment les avis ils parlent pas du jeu du tout à chaque fois. C'est Blood Players and No Battlegrounds qui sont arrivés à un petit tu connais pas tous les jeux PC. Non, c'est vrai que les avis, ils insultent, hein, tout de suite. Ceux que j'ai pris, du moins. Il y en a peut-être qui sont bien, hein, mais... Je vais donner un vote à Yann. Ouh. Oh là là là. Vous êtes sécurisé Nier Automata, sera content. Bah, oui, non, mais c'est pas... J'ai confiance en lui. Ok, ok. Non. Une sorte de... Donc faut que je dépense maintenant. T'as qu'un point. Mini 1, quoi. De toute façon, ça va vite. Hein. Ouais. Persona. Ouais, j'hésitais. Ouais, mais d'un côté, c'est toi qui as mis For Honor, donc toi, il faut que tu baisses ton propre jeu. C'est compliqué. C'est, hein. C'est vrai, ouais, mais c'est... quand même, Persona est plus haut que For Honor, je suis d'accord. Voilà, donc, vote sur des trucs pour lesquels tout le monde s'en fout, c'est parfait. C'est bon? Du coup, t'as donné double point? C'est ça, t'as fait quoi, du coup? Du coup, t'as pris deux points. J'ai fait remonter Persona. Ouais. Il a remonté d'un cran Persona qui est à la 7ème place. Et il a descendu For Honor. Donc là, si on fait un petit bilan, on a Nier Automata en première position, qui a un power-up de sécurisation. Nous avons Prey en deuxième position, si je vois bien. Divinity en troisième. Horizon en quatrième. Cuphead en cinquième. What Remains of Edith Finch. Qui est stable depuis le début, qui ne bouge pas. Et Persona 5. Parce que tout le monde s'en fout en fait. Ouais, ouais, je l'ai bien placé. Hein. Ok. Alors pour celui-là, je vais vous demander de vous asseoir sur. Vous êtes déjà assis, mais de vous accrocher parce que c'est le meilleur avis, je pense, que j'ai trouvé. C'est l'avis de Caca Crack. Ah, c'est prometteur. On revient sur le caca. Il a mis 5 sur 20. Par contre, je pense que c'est facile. Il a dit qu'il y a rien que sur le pseudo, il a dit lui, il est bon. Sale blanc! Port albinos blanc, petit blanc, ce qu'on peut entendre dans le jeu, et encore je l'ai pas fini. Il y a également une propagande prométissage tout au long du jeu. Wolfenstein? Wolfenstein, bravo. Oh, tout au long du jeu, jeu conçu par des gauchistes suédois, ce qui vous l'aurez compris veut tout dire. Des tas de joueurs se sont insurgés contre ça et ont critiqué cet aspect du jeu. La presse vendue et orientée en a profité pour les traiter de nazis. Bien entendu, ni GVcom ni personne dans la presse française ne vous parlera de ça ni de l'orientation politique du titre. Ça se concentrera par hasard de le surcoté. Il suffit de lire et d'entendre certaines réactions sur le jeu pour comprendre que les nazis ne sont en réalité, pour un certain nombre de gauchistes et sûrement pour les développeurs, que des blancs de droite déguisés pour mieux les humilier et prendre plaisir à les massacrer en jeu vidéo sous le prétexte d'une dystopie nazie humoristique. Beaucoup ne verront pas plus loin que ça, mais si vous avez une conscience politique et n'avez pas encore le cerveau bouffé par la propagande cosmopolite, je vous recommande de ne pas l'acheter. Après, chacun se fera son avis, on ne peut pas être d'accord avec moi. Cette fin, okay, est géniale. Mais au moins que la démocratie nous accorde le droit d'avoir des opinions différentes de ce que vous entendez habituellement et la possibilité de les exprimer. Merci. Très belle avis. Très belle plaidoyer. C'est vrai que ça avait fait merci, un peu polémique. Merci, caca crack. Tu es un énorme connard. Ouais, la campagne de départ. Puis les mecs, on avait marre qu'on tape sur les nazis. Les nazis ont un cœur. Hein. Les nazis sont gentils. Les nazis sont des gens comme. Donc tu gagnes le droit de placer Wolfenstein 2. Ils ont une famille, tu sais, des enfants, oui. Qu'il a des espoirs, des rêves. Et moi, je dirais, qui c'est qui l'a fait Wolfenstein 2 ? Et un costume bien taillé. Ah, ouais, j'ai fait, ouais. Qui a fait Wolfenstein 2 ? Tu l'as fini ? Ouais, j'ai fini. Ouais, ouais, bah, je l'ai fini aussi. Ouais. Bah, il est plutôt cool, j'ai trouvé. Ouais, ouais, c'est plutôt sympa. Je te laisse pas influencer, il y a Melo, tu veux. Je l'ai trouvé moins bon quand même que le premier. Vas-y, vas-y, mais mets là à la hauteur de ta grimace. Old Blood, non, New Order. The New Order. Ouais, voilà. Pas le premier de la génération. Non, depuis le reboot, moi j'avais préféré celui-là. Et c'est là que tu te dis quand même Andromeda est encore placé trop haut. J'avoue par contre, sur toutes les phases cinématiques, je suis tapé des barres. Ah, franchement, vraiment, ça, ils sont vraiment cool. Non, ils ont vraiment bien travaillé. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, c'est plaisir. C'est pas mon avis, c'est celui d'Yann qui a dit. On peut donner votre avis, n'hésitez pas. Hein, parler des jeux un petit peu. Bah, il n'y a plus beaucoup de place entre 16 et 21, donc je sais pas, je vais mettre au milieu 18. Ok, c'est bien. T'as pris tes deux petits points ? Oui. Très bien. Je pense qu'il bougera et pas. Et c'est à Julio de voter ? Alors, moi, je vais offrir mon vote à mon copain Florian, qui a beaucoup de trucs à dépenser. Merci. Vas-y. Il sait que j'ai bon goût aussi. Bah oui, je sais que t'as bon goût. On va voir si t'as bon goût. Bah il va monter PUBG à fond. Non, je pense pas. Alors, PUBG est trop loin, quoi. Non, c'est mort. Il faut faire des choix, il faut faire des choix. Il va triplement sécuriser. Mais au laisser tomber ton Gauthier comme ça. PUBG ? T'as passé tellement d'heures dessus. C'est pas mon Gauthier, mais okay. Ouais, j'ai passé il est dans mon top 3, c'est sûr. Alors, le verdict, pourquoi tu votes ? Ouais, faut que tu votes en fait. Hein. C'est juste des power-ups. Ludo t'a donné son vote. Ah, Ludo t'a donné son vote. Et qu'après je le dépensais quand je voulais. Non, en dépenser un minimum. Donc c'est à dire que si tu veux pas. Si ça t'a fait chier, bah tu prends le point qu'il t'a donné pour monter PUBG par exemple. Mais là il va être déçu. Tu peux encore sécuriser. Et là tu vas faire Divinity encore plus. C'est ou fort, tu peux descendre Nier Automata parce que bon, t'as bien aimé Prey quand même, mais t'aimes pas les jeux un peu comme ça. Comment t'en monter Digi, j'ai kiffé Nier Automata. Tu peux monter Assassin's Creed parce que c'est. Je réfléchis. Non, Assassin's Creed, j'ai pas trop envie de le monter, c'est pas dans la même priorité. Un ennemi. Même s'il vaut plus que 12, hein, mais. Bah voilà. C'est qui lui a donné un point pour Zelda. De donner ça au mec qui a le plus de décisions tranchées ici. Vas-y, Flo. Je me réserve pour les décisions. Non, mais en fait, je vais. Putain. Je vais monter. Je vais monter. Zelda pour faire chier. Ben voilà. Merci, merci. Voilà. C'est merci, exactement merci. Ce que tu voulais pas. Ah bah voilà. Zelda voilà, passe devant Hollow Knight. On fout, il sera pas premier. Hein, ouais. Tu as dépensé ton point. Oui. Il a oui. dépensé son point. Dans la petite, caisse. C'est bien. J'espère donc, que j'étais un peu déçu, Julio. Je suis désolé. Ah, là, les alliances sont pourries là. Franchement, mauvais choix. Vous êtes prêts là, les enfants? Autour de Monsieur Nicotin 59 qui a mis 1 sur 20. Je mets 1 parce que la boîte est jolie, mais le jeu est tellement moche que même la PS2 l'aurait recraché. À part ça, c'est super répétitif, le bestiaire toujours pareil, l'interface est ignoble, bref, tout ce qu'on ne veut pas voir dans un beat'em all. Heureusement que le jeu tourne à 60 FPS, manquerait plus que ça, sinon ce serait l'arnaque du siècle. Je retourne sur Black Ops 3, il est Yannick. Plus beau, lui au moins. Nier Automata ? Bravo Yannick. Ah ouais. Non. Il y a des doublons, je vous ai prévenu. Il y a des doublons. Mais je n'avais pas. J'ai expliqué, faut écouter. Un jeu, j'ai une question. C'est qu'en termes de beat'em all, il n'y a pas de chance. Je gagne 2 points. Ah oui, d'accord. Non, mais j'avais pas compris ça. Je pensais pas que tu n'as pas écouté alors. Parce mais que je croyais qu'il n'y avait plus qu'un tour désolé, de quiz. On ne se rappelle plus, monsieur. Ah, mais je suis voilà. désolé. Il y a 2 tours de quiz encore. Si je ne me trompe pas. Prendre des notes. Je croyais que c'était le dernier en fait. Et du coup, je pas. Et du coup, c'est à Mimi de voter. Oui. Qui n'a qu'un point. Je suis très emmerdée. Tu vas faire monter quoi ? Assassin's Creed ou tu vas. Je peux pas. Assassin's Creed, en fait, il change de colonne, donc il en faut 2. C'est chaud. Donc, est-ce que toi. Tu pourras le monter à ton tour d'après. Les alliances, c'est après le don de vote. Hein. Attention, là. La nuit, si... Pardon. On ne tergiverse pas. Je sais. Du coup, je donne mon... Ah bah non, ça sert à rien. Julien, il a plein de points. Il a 3 points. Il les cache, là, mais il y en a 3. Hein. Oui, sauf qu'il va descendre Assassin. Oui, mais lui, il veut faire du caca. Hein. Moi, je préfère descendre Assassin que le monter. Parce que, tu vois, Assassin, il m'a tellement plu que je me suis emmerdé même on voit qu'on a pris à regarder de la fin, jouer. Ça devient difficile. Je comprends, mais, moi, je m'emmerde toujours à regarder même jouer. Même par rapport à Horizon, tu t'es quand même plus fait chier sur Assassin. Mais grave. Oh, c'est fou. Ces combats contre, c'est quoi? C'est Anubis. Tu sais, t'as des combats contre des dieux, là. J'ai trouvé que c'était les trucs les plus chiants de ma vie de jeu vidéo. Tu juges pour un truc en post-game. Bon, faut voter, les gars. C'est pas du bois, c'est pas vraiment Super Mario. Quoi? Oui. C'est mon choix. C'est mon choix. Ouais, c'est ton choix. No c'est judgment. Et oh, la démocratie. Non, non, non. Espèce de nazi. Nazi de la pensée. Islamo-gauchiste. Ok, ok. Donc ensuite, c'est l'avis de Freak You. Freak You? Freak You. Qui a Freak mis You ou Freak You? Ah, c'est Freaky Who okay. Freak You. Qui a mis 0 sur 20. Ce jeu est le signe d'une nouvelle ère de consumérisme. Et qui Métier. Oui. Battlefront. Oui. Oh. Et qui nous rattrapera quoi qu'il arrive. Nous ne sommes que des moutons qui nourrissent les industriels en perpétuelle recherche de nouveaux stratagèmes pour gagner plus d'argent et brider un peu plus les consommateurs. Ce bad buzz portera un peu ses fruits, je l'espère. Sinon, le jeu est joli. J'ai entendu ère consumériste, je me suis dit, ah, Battlefront. Ouais, ouais. Mais j'aime bien tous ces trucs qui sont en train de changer le monde dans les commentaires de jeuxvideo.com. Donc, hop. C'est bien, il n'y a plus trop de place pour lui non plus. Hein, voilà. Il va être vers le bas. Il va être vers le bas. Pas de chance. Bah, je mets en 21ème position. Oui, c'est bien mérité. Parce que j'y ai pas joué et j'ai pas du tout envie d'y jouer. Et... Ouais, et puis il va bien rester là, je pense. Hein. Je pense qu'il va bien rester là. Il va pas bouger. Hein. Tu penses que c'est une ère de consumérisme qui te prend pour un bah, en fait, mais est-ce qu'il est joli ? Je suis un grand fan de Battlefront avant le reboot. Et quand je vois ce qu'ils en ont fait, même si c'est, on peut, faut l'admettre, c'est très joli. D'un point de vue gameplay, ils ont vraiment tué le truc. Et... Ok. Et voilà, donc. T'as pris tes petits points ? Oui, j'ai pris mes petits points. Très bien. C'est à qui de voter ? C'est à toi, Agathe ? C'est à moi. Je suis bien embêté. Ils veulent plus de power-up, les mecs, puis après, ils savent pas quoi en faire. En fait, ils voudraient monter Nier Automata d'encore une place, mais ils peuvent pas. Mais en fait, je peux pas descendre Nier Automata. Non, si tu montes en plus, ils passent en 21. C'est vrai ? Allez ! C'est 0 points, c'est grâce à ce Ah non, non. J'aimerais bien. C'est une boucle. Je sais, Myriam, que t'aimerais bien que je passe Assassin's Creed, mais. Mais j'ai des priorités dans la vie. J'ai des priorités dans la vie, et c'est quand même de pourrir Zelda, alors je vais passer Zelda tout à l'heure. Ah, donc, j'avais une Switch dans ma voiture à t'offrir à la fin de l'émission. Ah merde, tu ah zut alors. Voilà, il est bien là. Moins deux places pour Zelda encore. Donc Zelda est repassé en 11ème position. On remarquera Mario qui monte. Et comme ça, Assassin's Creed pourra passer devant Zelda. Ça c'est, ça c'est bien. Ça c'est un bon jugement. Peut-être. J'ai envie de mourir. Ensuite, Darks67 qui a mis 2 sur 20. Je suis arrivé jusqu'au dernier chapitre, et là, le jeu m'a ennuyé. Il y a trop de quêtes ennuyantes, elles n'ont parfois aucune logique, les récompenses sont nulles, les combats aussi deviennent ennuyants. À part le début, la suite de l'histoire n'a aucun intérêt. En fait, plus vous avez... Yannick. Pardon. Alors, qui a le moins de power-up ? 5. C'est Yann. 2. Bah alors, vas-y. Finesse. Personne à 5 ? Pas du tout. Finesse. Qui a le moins de power-up ? C'est toi ? Ben, allez, vas-y. Assassin ? Non. Horizon ? Non. Mimi ? Merci, mais on fait chivre. Oui. L'ombre de la guerre ? Non. Will. Oh putain, j'avais oublié Blade. Non. Il reste plus que Julo et moi qui pouvons répondre. Hein. Ouais. Alors, autant te dire que... Vous pouvez me laisser finir si vous voulez, ouais, ça aurait plus de chance. On va y aller tranquille. En fait, plus vous avancez dans le jeu, moins il devient intéressant. C'est quand même formidable. C'est un remake dur. Ils ne se sont pas trop cassés la tête. Ils ont pris... Eh oui, il suffit d'attendre 2 secondes. Gaël. Oui. Divinity. Oui. Ah bah oui, c'est un 4e chapitre en plus. Bon, il a pas tort non plus. Bah si, il a 4e il a pas tort. Ah ouais. Mais les premiers chapitres, c'est quand même magistral. La fois, tu roules quand même sur le jeu méchamment, quoi. Ouais, mais de dire que c'est redondant ou que c'est... Un peu quand un même. Peu extrême, il a mis 2 sur 20, je te rappelle. Ouais. Hein, donc, ouais, il a raison sur tout. Il a beaucoup, beaucoup aimé à 2 sur 20, oui. C'est qui a eu un point, là? C'est moi. Gaël. Je vous épargne la suite, c'est relou. Donc, oui, à toi de voter. Ah, moi, je vais quand même essayer de remonter le Knight. Parce que le Knight, il est quand même bien bas et je pense qu'il mérite d'être un peu plus haut. Alors, on va le replacer à la place de For Honor. Ça fait combien de power-up? 2? Ça te fait 2. 2. Ah, bah, allez, on le remonte de 2. Ah, ça me fait chier de voir For Honor si bas, mais... Mais c'est bon, c'est la bonne classe, ça me paraît juste. Ouais, mais bon, le Knight, il mérite quand même. Ensuite, nous avons l'Icarius, qui met 10 sur 20. Toujours pas fini au bout de 30 heures. Toujours pas compris le pitch. Pas le temps de te poser pour suivre sereinement l'histoire. Je sais pas où j'en suis. Un jeu extrêmement chiant, fatigant, prise de tête et pas fun. Passer l'intro du jeu, ça bourrine constamment. Même pas le temps de boire ton kawa. Et je crois que c'est le jeu où je me suis... Will. J'ai entendu... J'ai rien entendu. Ok, voilà. Vas-y. Andromeda. Non. Ouais. Destiny. Non. Putain, oui, il est sorti, lui. Il peut pas y avoir Triplon. Le triplet, du coup. Non, pas le continue. Passer l'intro du jeu, ça bourrine constamment. Même pas le temps de boire ton kawa. Je crois que c'est le jeu où je me suis fait dessouder le plus de fois. Je suis pas novice. Gaël. Merci. Oui. Zelda. Non. Je rejoins Nico Zouaf pour l'ensemble de son analyse sans âme. Malgré tout, le level design est toutefois sympa. Le comparer à Dishonored, Alien Isolation ou les Deus Ex, faut pas déconner. Prêt? Oui. Mmh, ouais. Oh. Allez, attends un peu. Le jeu. Non, il est déjà sorti. Donc, t'as juste les points. T'as pris les points? J'ai pris les points. C'est à qui de voter? Ouh, comme il a beaucoup Yann, de ça. Yann. À Yann de voter. Je donne mon vote à Will. Qu'est-ce qu'on prend? Il est content. Tu peux remonter Hollow Knight encore? Ouais, j'y pensais un peu. Ouais, je peux remonter au-dessus de Persona 5. Allez, on le remonte d'une place. Deux? À la place de What Remains of Edith Finch. Non, tu peux, faut dépenser 3. Faut dépenser 2. Ah, non, non, juste en 7ème position. Comme ça? Tu fais combien de power-up? Ça fait un seul. Un seul. Allez. Très bien, très bien. On enchaîne. C'est le dernier du tour. C'est le dernier du tour et c'est MQLOCJVB 0 sur 20. Il encule qui? J'ai pas compris. Je sais pas. C'est un pseudo de merde. 0 sur 20. Il est pas facile celui-là. Mais il m'a fait rire. Alors, impossible de jouer à ce stupide jeu. 2 tentatives ont été nécessaires pour le lancer et maintenant j'apprends que selon le jeu, et donc par extension son développeur, mon câble Ethernet serait débranché. Ah bon? Métier? Oui. PUBG? Non. Moi je ne crois pas, non. Il n'est pas fait pour débrancher. Il est bon lui. Accuser les clients de ne pas avoir du matériel fonctionnel quand on sait que ce sont vos serveurs qui sont en papier craft est vraiment la pire des bassesses, lamentable et au-delà du pathétique. Poubelle Ubisoft! Gaël, j'entends le premier. Pour Honor. Oui. Ah, j'ai failli. J'ai eu un doute avec Assassin's Creed parce que je pense que la connexion est obligatoire et j'étais déjà. J'ai failli aussi, non. Ça allait vite dans votre tête alors. J'ai pensé à PUBG parce qu'au début il y a des gros problèmes de lag. Ouais, ah ouais, c'est. Là, lundi, c'était. Enfin, le seul truc vraiment qui te faisait trancher était à la fin, quoi. Ouais. Bon, et ben on a fini le troisième tour. Troisième tour. Et... Flo, il y a le Flo doit voter. Il a combien de points? Beaucoup. Allez. Oh là là. Du coup, si, attends, rappelle-moi la règle si je donne un vote à quelqu'un. Tu gagnes un power-up, il gagne un power-up. Mais moi, je suis pas obligé de le dépenser tout de suite. Non, tu dépenses pas, juste dépenses pas justement. Ton... Je donne un power-up à Julio. Il donne un power-up à Julio. Salaud. Bon, c'est simple. Hein. Depuis le début, je dis que Zelda, ça vaut pas 12, ça vaut que 12 sur 20, donc il y a Zelda qui va descendre. Oui, il passe derrière Assassin's Creed. Une victoire de canard. Pourquoi tu montes Assassin's Creed, quoi? Mais, oh, attends. Non, du coup, Zelda ce que je vais faire, c'est que je vais même faire un point pour descendre Assassin's Creed en 13. Ah, il va mettre Hellblade. Et ensuite, je descends Zelda en 12. Objection! J'ai très bien fait de te donner ce point-là. Je suis content qu'Hellblade remonte. Alors, monsieur Gaël, est-ce que tu peux me faire un petit check-up là? Très bien, tout à fait. À la première place, toujours protégé par un power-up, nous avons Air Nier Automata. Et à la deuxième place, Prey qui reste stable. À la troisième place, Divinity protégé lui aussi par un power-up. Et ensuite, dans l'ordre, Horizon, Cuphead et What Remains of Edith Finch. Ok. Qui n'a pas bougé depuis le début du jeu. Il n'a pas bougé depuis le début du jeu. Je pense que c'est le seul qui n'a pas bougé depuis le début. Hein. C'est vrai. Donc on entame le dernier tour de quiz. Donc, le dernier tour où vous pouvez cumuler des power-ups. Après, il y aura une dernière phase de vote. Donc, Je crois que c'est ce que tout le monde va faire. Et pour ce tour-là, je vais doubler les power-ups aussi que je donne à chaque tour. Pour le vote quoi. Ouais, pour le vote et pour les échanges. Donc, okay. C'est le moment de créditer des points, les gars. Ok. En gros, tout ce qui va rapporter des power-ups vous en rapporte 2. Changement de feuille. Donc Yannick va être peut-être une belle petite fortune. Oh là là là là. Tant de pognon. Ouais, sauf que le problème, c'est que j'arriverai jamais à descendre les jeux du top 3 que... Ah, si Divinity en 3ème, ça va. Tu veux descendre Nier Automata? Ah mais Nier est prêt. On peut s'arranger. Arrêtez, on peut s'arranger. Si, c'est parfait, comme ça, il y a Horizon qui remonte. Je vous laisserai une petite phase de pause après le dernier tour, comme ça. Ce sera le moment de faire les alliances en off. Non, c'est bon. Vous déchirez. Ah, on fait pas l'alliance en off. On se fait des regards, on se fait des clins d'œil. Très bien. Donc, dernière tourne avec l'avis de Big Dean 2. Dernière tourne, c'est sûr, c'est la dernière tourne. Il n'y a pas une deuxième après? Après, il y a les votes. D'accord. C'est ça. T'es sûr? Hein? Là, c'est la dernière tourne. C'est la dernière tourne. Ouais, c'est la dernière tourne. De cette tour. Ah ouais, d'accord, ok. Big Dean 2 qui a mis 2 sur 20. Étant grand fan des tacticals et des longues séances aux toilettes, je me suis dit, tiens, c'est parfait, enfin un bon jeu. Yannick, Julio. J'ai entendu Yann. Il y a Yann aussi, ouais. Fire Emblem Heroes. Pas du tout. Non, Yannick. Il y a qui après, Yannick? Les Lapins Crétins. Oui. Oh là là. Oh mon dieu. Ah ouais, putain, rien. Je vais finir mon petit avis. Est-ce qu'il y a des jeux qu'on n'a pas dit, c'est vrai. Tiens, c'est parfait, un bon jeu sur lequel passer du temps, du but. Sauf que le bon était de trop et que mes espoirs étaient trop grands. Je m'imaginais déjà plongé dans un monde comme stratégique XCOM et FF avec la patte Nintendo, sauf que ce ne fut pas le cas. Il n'y a aucun challenge à y jouer, tout est très facile et abordable. C'est du fun tactical, ni plus ni moins. Bah, vous approuvez cet avis là? Ouais. Il me tentait quand même pas mal celui-là. Bon Yannick, où est-ce que tu veux mettre ton Mario et la Lapin Crétin? Je vais quand même le mettre le plus haut possible, en 16. Ouais. Parce que il me tente quand même vachement comme jeu et je pense que je le ferai. Mais t'as pas joué encore? Je crois que tu l'avais déjà acheté. Non, bah pas d'argent. D'accord. Mais... enfin, ça va, c'est pas évident sur ton visage comme ça. Non, mais cependant, il me tente, il a l'air quand même intéressant. Quoi. Et pourquoi tu vas voter? Eh ben, je vais quand même essayer de remonter Persona 5 un petit peu parce que c'est quand même mon gothi, il est vachement bas. De combien? Donc, je suis en train de compter les points gentiment. Faut virer What Remains. Alors What Remains il l'atteint facilement hein. Et je pense que je vais le mettre à la place d'Horizon. Tu craques du pognon quoi. Voilà, pour 5 de pognon. Gros changement. Ouais. Et je vais mettre un 6ème pour le sécuriser. C'est bien. Donc en 5ème, non 4ème. 4ème position. Il est passé en 4ème. Voilà, ça reste mon gothi, il faudrait quand même que je fasse un peu d'effort pour le monter. C'est vrai. Il te reste encore 5 jetons après ça. C'est le but des power-up, hein. N'hésitez pas à défendre vos gothi. Ensuite, on enchaîne avec Jundil, qui a mis 10 sur 20. Mmh. Trop de bonnes notes pour ce jeu à pigeon. Il faut rétablir la vérité. Call of? Non. Je ne suis pas un troll, mais voir autant de gens se faire avoir... Yannick. Vas-y, Gael. Zelda? Non. Yannick? Ah merde, du coup, je l'ai pas. Mario Odyssey? Non. Je ne suis pas un troll, mais voir autant de gens se faire avoir, ça me déprime et ça me fait vraiment peur sur l'avenir du jeu vidéo. Will? Battlefront? Non. Et ils tentent au pif, les mecs. Hein. T'as dit pigeon, donc on cherche tous les trucs. Ah bah oui. Je ne veux pas de jeu en kit. Des DLC, ok, mais pas les foutus trois quarts du jeu. Pourquoi n'est-il pas une extension du 1? Non, c'est vrai. Même moteur, même gameplay. Destiny 2? Oui. Ouais. Toutes les nouveautés auraient très bien pu voir le jour par le biais d'une mise à jour. Bref, s'il vous plaît, ne prenez pas ce jeu pour un Messi. Rendez-lui sa place qui lui est due. Rendez-lui, prenez pas ce jeu pour un Messi. À sa place, ça va être numéro 20, je crois. Ah, très bon placement avant-dernier pour Destiny. Ouais, alors, qui vote? C'est à Julio de voter. Moi, j'en suis sûr. Oh, bah, il a je ne vais pas trancher. Lui, il est là pour manger. C'est dans le même ordre depuis tout à l'heure. J'ai réoffrir mon vote à... Non, mais non. Je sais qu'il va faire des bonnes choses. Mais t'as 7 points maintenant. Ouais, mais j'y crois. Je sais qu'il va faire des bonnes choses. Double, ouais. Du coup, je dois dépenser les deux. Je sais qu'il va faire des bonnes choses. Il va faire au moins un vote. Un vote? Ouais. Au moins un vote. je vais. Ça coûte cher de mettre. Non, je vais monter Divinity en deuxième position. Pour pied 3. Hein. Parce qu'il est protégé, donc faut pied 3. Il est protégé pour descendre. Ouais, non, c'est moi qui l'avais protégé pour descendre. Ouais. Mais il dégage. Ah. Ouais, il dégage. Bien. Merci, Julio. De rien. Je le savais. Je sais qu'on peut compter sur toi. La bromance, ça vaut encore quelque chose dans ce monde. Ok. T'as aucun poids, mais t'es là pour me soutenir. Bah oui, je suis pour ça. Alors, l'avis de Jean Immersion. Qui a mis 4 sur 20, Jean Immersion. Dur de choisir une note, mais comme il se finit en 4 heures, un 4 sur 20 me semble... Oui, Will en première. Oui, ouais. Call of? Non. Ouais. Mimi? Non. Non, non, il y avait Métis avant, mais... Ouais. Battlefront? Non. Putain, mais vous pourriez essayer les amis. Bah oui, il semblait approprié, le gameplay vole pas haut, ça se résume à une partie de cache-cache dans ce qu'on pourrait considérer... What Remains of Edith Finch? Non. Ça, il était de choix à trouver. Hein. Être un niveau construit par un amateur dans Little Big Planet. Sauf que si c'était vraiment le cas, on pardonnerait les bugs. À 20 euros, ça passe moins bien. Ah, celui avec la petite fille. Il va être... Ah. Dans son ciré, là. Ah, oui. Ah, Oui, Yannick. Little Nightmare. Vous arrangez là parce qu'il y en a un qui. Oui, mais t'as pas donné ton nom. T'avais pas répondu, t'as déjà répondu. J'ai déjà répondu, mais t'avais pas le nom. Allez, un point chacun, voilà, comme ça. T'avais pas le nom, je t'ai soufflé. Ah, pour toi et tac pour lui. C'est Yann qui a dit en plus, non? Je sais pas, moi je suis pas tout. Hein. qui vote? Ah, mais je vous donne pas un point chacun. Mais. Il reste un seul jeu, c'est une seule place. Pourquoi t'as mis ce jeu-là? Parce que j'essaie de regarder ce que vous aviez fait. Ah, d'accord. C'est pas le plus mauvais de l'année non plus. Non, mais c'est pas fou non plus. Non, il fallait un jeu que les gens avaient fait. Tu vois, Call of, t'es le seul à avoir fait. Donc, c'est le dernier, quoi. Donc, il est pas là. De toute façon, si on va par là, je suis le seul à avoir fait Destiny 2, Battlefront 2. Destiny 2, j'ai essayé, je me suis fait chier comme un rat mort. Je me suis amputé de pas mal de jeux que moi j'ai fait. Donc, tu votes, Mimi? Je change Zelda et Assassin's Creed. Ouais, c'est au revoir Zelda. Parce que je mets Assassin avant Zelda. Ce petit vote de radin, quoi. Ouais. Au dernier tour. J'ai pas de sou. Vincitus89, qui a mis 3 sur 20. Fuyez, cet épisode est une arnaque complète. Fanservice à tout va. Qui dit fanservice dit aucune originalité. Gameplay 1 sur 5. Aucune originalité dans le gameplay. Un Call of Duty est limite plus poussé dans sa mécanique. C'est pas Call of. Battle. Battle quoi? Battle Front. Non. Métis. Battlefield. Non. Oh, mais non, c'est pas 2010. Aucune originalité dans le gameplay. Un Call of Duty est limite plus poussé dans sa mécanique de jeu. Sur Call of, on peut faire des glissades, des sauts, ramper et j'en passe. J'ai simplement eu l'impression de jouer à un jeu des années début 90. BBG. Non. Je ne critique pas sa rigidité, j'aime être surpris par un gameplay technique. Et là, rien, niet. Un simple FPS, entre guillemets, que n'importe quel développeur aurait pu faire. Graphisme 1 sur 5. Quand on voit les trailers et qu'ensuite je le fais tourner sur une GTX 1080 avec toutes les options au max, oh que c'est moche. Texture baveuse, motion blur pas du tout maîtrisé. Destiny? Non. Ouais, il va peut-être être dur celui-là. À quoi ça sert de mettre l'option profondeur de champ alors qu'on se balade dans des salles de 10 mètres carrés? Ce développeur oui, fait... Yeah. Vas-y. Wolfenstein? Non. Est-ce qu'on a fini? On a pas tous répondu là? Oh, j'ai pas répondu. Qui n'a pas répondu encore? Julio. Ouais. Yann. Julio, je pense que c'est ton allez, jusqu'au bout parce que vous allez forcément trouver. Non. Ça sert ah, oui, Julio. Profondeur, Julio. Resident Evil. Oui. Oh, mais mais sérieux. Ce développeur fait exactement la même chose qu'Ubisoft. Trailer super beau, downgrade à mort lors de sa release officielle. Son 1 sur 5. Musique quasi inexistante, soi-disant le vide, ça fait trop peur. Dans ce cas-là, autant jouer sans casque ou couper le son, ça revient au même. La réalité, c'est juste que demander à Harry Grigson, William ou Hans Zimmer de réaliser bande-son, ça coûte cher. Downgrade, alors je comprends passe pas. La suite. Mais ce commentaire n'a juste rien à voir avec le jeu, en fait. Mais rien à voir. Downgrade, je vois pas. Les pièges. Je vois pas autre jeu. Peut-être jouer en VR, le mec, hein, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien le mettre en top 3. Ouais, peut-être en VR. Vas-y. Donc ça va coûter cher. Je peux faire comme ça. Ça marche pas. Et non, il sera donc en 17ème. Oh il sera donc en 17ème. La tristesse. C'est dur. Ah, c'est très dur. C'est injuste pour lui d'arriver, mais tant à la fin. Ah, c'est mais en fait, il y a que Will qui l'a fait, je crois, ici. Bah non. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez pas la liste. Bah oui, c'est vrai. Donc ça y est, on a tous les jeux. Je viens mes points quand même. Oui, le tableau est rempli. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas un Call of parce que je pense que niveau avis, t'aurais pu trouver quelque chose. Un Call of. Merci monsieur. Attendez, là, je vais finir cette question quand même. Le vote, c'est qui? C'est moi. Alors vas-y. Bah, je vais craquer 4 points pour virer Nier Automata. Oh là là, n'importe quoi. On a marre là, cette merde. Ah, c'est pour monter Divinity 2. Hop, ça c'est fait. Mais qui se bat pour deux jeux qu'il a pas fait quoi, c'est beau. Grave. Et je vais dépenser 2 points pour monter prêt. Virer Nier Automata le plus loin possible. Donc on a Divinity en 1, prêt en 2. Nier Automata en 3, Persona 5 en 4. Et il me reste un point, et avec un point, je vais sécuriser prêt. Ok. Après, c'est quoi en 5? Horizon. Horizon, après Cuphead. Cuphead en 6. Mais tout peut encore se jouer, rien n'est fini. Ouais, c'est mon voix d'animateur de balle. L'avis de Hayato, 7729, qui a mis 5 sur 20. Au moins, vous savez sur quoi ça va tomber normalement, vous avez une chance sur 21. Un jeu qui n'utilise même pas la moitié des boutons d'une manette ne mérite même pas d'être qualifié de jeu, encore moins si celui-ci est prétentieux au possible avec un scénario bâclé au possible. On me rétorquera, mais c'est un jeu indé. À cela, je vous réponds. Yannick. Cuphead. Non. Yann. Hellblade. Hellblade, ouais. Je sais pas si... Non. Ok. C'est vrai que pour le côté prétentieux, Hellblade est vachement plus pertinent. C'est plus pour le côté deux boutons que j'ai pensé à ça. Ouais, je termine pas la vie, c'est chiant. Après, il fait comme ça. Il y a pas beaucoup de jeux indés dans le classement. T'as pris tes points? Ouais, j'ai pris mes points, c'est à Will de voter. Ah, c'est pas facile. Réflexion intense. Mmh. Ouais, c'est pas facile. Hein, moi, à ta place, j'essaierai de monter Star Wars Battlefront, là, il est tout en bas. Là. C'est triste. Il faut le monter un peu quand même. Mais bon, par contre, un Resident Evil 7, quand même, il est quand même bien bas. Ça, je suis d'accord, c'est vrai. On n'a pas eu de chance d'arriver si tard. Trop bas pour ce qu'il est, ouais. Franchement. Oui, il mérite pas du tout cette place. C'est un vote que je valide. Si on remonte à la place d'Assassin. Non, peut-être. T'as pas 7 points. À la place de Mass Effect, quand même, parce que Mass Effect, c'est pas possible. À la place de Zelda, hein. Bah, Zelda, je suis pas contre, mais il a pas 7 points. Donc il lui manque un point. Ça, c'est 3 points. Il manque les 50 points que je vais me débloquer pour la fin. Ouais. Non, c'est bon, pour le remonter. Et t'en restes un. Est-ce que tu te serais de ton dernier? Moi, je le garde pour l'instant. Très bien. Excellent choix. Alors, il me reste combien? 2 avis, hein. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Flo Giro, qui a mis 0 sur 20. Ça va aller vite, là. Ce jeu devrait s'appeler Empty Prehistory Simulator. Le Yannick. Scénar... Yannick. Merde, comment il s'appelle? Le truc avec les robots dinosaures. Non, c'est le truc avec Horizon. Horizon. C'est ça. Ça t'aurait pas compté, ça. Alors, il devrait s'appeler comment, il est? Empty Prehistory Simulator. Le scénario, j'en parle même pas, vide. Et tu chasses. Ça me fait rire. C'est tout ce que tu feras. Les graphismes ne sont pas si spectaculaires que ça. Bref, si tu veux pas perdre de temps ni d'argent à t'ennuyer, ne fais pas l'erreur de prendre ce jeu. Pas d'accord. Pas d'accord. Flo, plutôt d'accord, j'imagine. Et tu chasses. Il lui a mis combien? 0, je crois. Non, moi, ils sont pas extrémistes du tout. Hein, je lui mets au moins la moyenne. Yann, c'est à toi de voter. Ah, déjà. Je donne mon vote à Métis. Mais garde ses points pour la fin, tout c'est normal. Mais si, j'adore. Je sais pas pourquoi. Moi, je t'aurais rien dit. En plus, il a une tonne de power-up. Ils savent qu'il faut créditer à la fin. Donc, ils savent que t'aimes Divinity, je pense. PUBG. Il peut pas monter Destiny, c'est le premier. PUBG est très bien, sa 15ème place de merde. Bah non, il mérite pas une 15ème place. Il mérite pas d'être derrière, mais c'est pas une 15ème place. Mais pas grand-chose mérite d'être derrière Mass Effect en PUBG. Ah non, PUBG, il mérite une 10ème, un truc comme ça. Ouais, on est là. Ils essaient de t'influencer, mais je sais pas du tout. Sais, mais fait bah, je sais ce qu'il aime. Il va plutôt monter Zelda. Le problème, c'est que s'il monte PUBG, il descend Assassin's Creed. C'est pas grave. Allez, on monte Zelda, mate. Je vais mettre 2 points de sécurisation sur Divinity. C'est bien. Je suis pas d'accord, mais... Merci Yann, pour ta confiance. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Dernière question. Et le dernier avis de... Alors cela, c'est un double parce qu'il était assez vague. C'est Darkazi One qui commence avec 0 sur 20, je crois. Non, 1 sur 20. C'est Darkazi, il a 1 sur 20. Je n'ai pas aimé le jeu. Okay. Dommage, j'aurais préféré un peu moins de violence. Pas de violence de conjugale qui puisse choquer certaines personnes. Wolfenstein? Oui, putain, il y a des... D'accord. Il y a de la violence conjugale. Ça ne semble pas aussi explicite. Ouais, okay. Dans l'histoire. Choquer certaines personnes, d'éviter des scènes de torture horribles et des scènes gore. Un manque cruellement de scénario. Putain, la vache. Aussi les cinématiques qui puissent choquer des personnes. Je trouve que le jeu a atteint la limite du jeu vidéo. La limite du jeu vidéo, carrément. On a atteint la limite. Mais oui, il y a des scènes de violence conjugale. Non. Oui. Parce que ça raconte l'histoire de Blazkowicz quand il est petit, et du coup. Ah, bref. Comme dans le film de David Cage. Mais c'est assez cool, d'ailleurs. Donc voilà. Il faut que tu votes. Il faut que je vote. Je vais donner mon vote à Yann. Ah. Parce que j'ai pas été très sympa avec lui, alors... Alors là, je suis emmerdé, c'est que j'ai plus assez de points pour... De toute façon, il va les dépenser. Bah, il n'y a plus de points, plus de points. Oh, c'est beau, okay. La dernière question, vous avez tous mes power-up dépensés? Bah, tant pis. Je gagne 2 points. Tiens, prends des jetons de bière si jamais t'as pas assez de power-up. Que tu dois te dépenser 2 ou plus, du coup. Non. Tiens, bah, prends des trucs. C'est bon. C'est avec ce qu'on a. Nier Automata remonte. 3. Ça, c'est nul. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très nul, ça. Il me plaît, ce petit top. Sans avoir joué, c'est beau. On a fini? Ouais, c'est fini. Il reste le tout dernier tour de vote. Alors là, on va faire les comptes. Du coup, écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause pour comptabiliser tout ça et on revient pour le petit tour de vote. Hein? Très bien. De suite. Ok. Donc, les comptes ont été faits, et voilà ce que ça donne. Avec 1 point en dernière position, nous avons l'ami Giulio. Bravo, Giulio. Ouais. Merci. Qui aura donc le privilège de voter en premier. Ensuite, nous avons Mimi et Will qui ont 2 points. Ouais. Et après, nous avons une égalité parfaite à 6 bonnes réponses de Métis, Gaël, Yannick et Yann. Ouais. Tout le monde s'en fout. On s'en fout des vainqueurs, en fait. Ouais. Donc, la plot twist, je vais doubler tous vos points. Oh, ça c'est cool. Et donc on va commencer par Giulio. Et par contre, ceux qui vont voter ensemble Vous allez voter en fait par ordre de tour de table et vous aurez le droit de positionner sur un seul jeu et après ça passera à l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de power-up. Ça vous va ? Ok. Donc c'est un jeu à la fois. Un jeu à la fois et après comme ça vous pouvez voir ce qu'il fait et réagir. On va commencer par Giulio qui est tout seul à la dernière place. Et donc un jeton en vaut deux. Et qui a combien ? T'as combien de jetons, Giulio ? J'en ai 6. J'en ai 3, 6, 9. T'en as 9 en tout ? Donc j'en ai 18. Putain, je sais pas si ça vaut le coup de doubler. Non, en fait. Je suis pas sûr. Ouais, vous avez accumulé assez, je double pas. Non, ça vaut le coup. Hein. T'en as qu'un, toi ? Oui. Ouais, je double le tien, Will. Allez, je double le tien aussi, Will. Qu'est-ce toi ? T'en as pas du tout, toi ? Non, bah ok. Allez, bon, quadruple. Mais t'as tout cramé au dernier tour. Ah mais la sécurisée. Non bah je double pas ça, vous en avez cumulé énormément, je me rendais pas compte. Bon bah du coup moi je vais quand même remonter Resident Evil oui. Au-dessus de Zelda parce qu'il est mieux que Zelda. Ouais. Mais que de 1 ? Vas-y paye au fur et à mesure là parce que tu vas me baiser sinon. Voilà. Non mais pour l'instant je fais ça. Ok. Je veux voir, mais... Non, c'est pas toi, tu votes tout seul. Non, c'est que ceux qui sont égalité. C'est que ceux qui sont égalité. Là tu crames tout mon gars. Allez, vas-y, baisse ce Zelda ou alors. En fait, c'est que j'ai trop envie de faire n'importe quoi, mais j'ai pas assez de points pour faire n'importe vas-y, quoi. Vas-y, fais n'importe quoi, c'est pas grave. J'aurais bien mis Battlefront devant tout, mais. Non. Pas tant qu'il est dernier, ce mec. Le troll. Bah, remonte encore Resident Evil. Mais tu peux le faire pour Andromeda, il est plus haut, ça te coûte moins cher. Ah là là là là. J'aurais dû vous laisser plus de temps pour réfléchir à vos votes, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup. On comprend. Allez, Julio, il faut agir. Allez, Julio, vas-y. Il faut agir. Avec qui tu veux être ami ? Sinon, ce que je vais rajouter une règle comme ça, tu peux donner tes power-up à d'autres personnes. Ouais, fais ça. Ouais, c'est moi qui fais. À ceux qui en ont pas, par exemple. Parce que là, tu déséquilibres tout. C'est pas grave. Sur les bonnes réponses. Ah non, il a aucun avis, donc tu peux distiller tes power-up juste toi, parce que visiblement, t'es un peu. Tu as nommé Resident Evil ton jeu de l'année. Et tu le laisses en 14e. Alors que t'as moult jetons, quoi. Je comprends pas. Le truc, c'est qu'il montre un maximum 7ème. Donc c'est déjà pas mal. C'est bien 7ème. C'est jamais que What Remains of Edith Finch. Il est très bien. Tu remontes 7ème ? Oui, il est bien. T'en avais pas 9 de chenon, t'as dit ? Ouais, mais j'en ai déjà dépensé 1. Hein ? Pour le monter d'une place, il y a 8. Donc, écoute, je vais. Voilà, je comprends pourquoi t'es dernier du lot ? Parce que t'es trop lent, du lot. Ça peut pas le faire. Alors, tu trouves que For Honor, il est quand même bien placé par rapport à RE7 ? Allez, vas-y. Non, mais alors, je vais en dépenser 4 pour descendre Nier Automata. Ah, merci. Comme ça, ça remonte prêt et Persona. Il faut que t'en dépenses 5 par contre. Ouais, j'en dépense. Parce qu'il y avait un power-up là. Non, mais c'est pour descendre. Mais du coup, j'en dépense 5 parce que j'aimerais bien que Horizon monte parce que j'aime bien Horizon. Et j'en passe 3 sécurisés d'Unity. Ouais. Je t'avais dit c'est cool parce que tu fais le monde à la place. Ouais, je m'en doutais. Merci, Julio. C'est bon, je suis content. J'ai pas besoin d'avoir le poids. Divinity, il est en 1, il n'y a plus trop de doute. Ouais, là, c'est sûr. Ça va coûter cher. Merci beaucoup. Donc fais-moi un petit plateau là. Alors la première position c'est Divinity 2 avec 5 power-up pour le protéger. Je pense qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il faut dépenser 8 pour le dessin. Ouais, ça coûte cher. Ensuite on a Prey en deuxième position, très bonne position. Persona 5, tout le monde s'en fout, en troisième position. Zero Dawn Horizon en quatrième. Nier Automata 5e, Cuphead 6e. Il a bien descendu l'enfoiré. Ouais. C'est bien. Ok, donc maintenant c'est au tour de Julio et Mimi et Will de voter. Vous allez voter du coup en. Vous n'êtes peut-être pas beaucoup. Ils ont qu'un point chacun de toute façon. Honneur aux dames, vas-y commence Mimi. Eh bien, avec mon unique jeton, je sécurise prêt en 2. Très bien. Will. Voilà. Bah, moi, avec mon unique jeton, je vais sécuriser au moins Nier Automata. C'est bien, meilleur en 5e. Numérise la 5e place. Tu pourrais le monter hein, plutôt que le sécuriser. Non, ouais, non, j'ai pas grand-chose là. Sécurise-le. Ouais, tu peux le monter, c'est mieux. C'est doublé là ou pas ? Non, c'est pas doublé, mais ça coûte qu'un de monter à Studio, quoi. Ouais, je peux le monter à la place d'Horizon. Allez, va. Quand même. Moi, dès qu'il faut monter son Horizon, je file toutes les astuces. Et c'est aux ex-echo. Si tu veux, même le descendre d'une case de plus, je te donne un power-up. Les deux ex-echo c'est fait, maintenant c'est le. Donc toi t'as pas de jetons. Moi je propose que je commence à voter. Pas voter. Et moi j'utilise mes 45 jetons pour rien baisser. Voilà. Très bien. Donc il reste du coup Mehdi, Yann et Yannick qui ont 6 jetons chacun. Ah moi j'en ai 9. Qui ont 6 points donc qui ont plein de jetons. Donc qui c'est qu'en a le moins ? 8. Pas moins. J'en ai 13. On a 13, ok. 9. Et ben tu commences, on a le plus. Donc, comment on fait ? C'est celui qui en a le moins. Celui qui en a le plus qui commence. Ah, oui, j'en ai plus autant que je veux. Hein. Et là, donc l'idée, c'est que tu choisis un seul jeu, tu le montres de ce que tu veux, et après ça passe au prochain. Mais 13 sur Divinity. J'y ai pensé. Bon, ce sera facile. C'est bon, Divinity, on peut plus le bouger maintenant. Je vais passer Cuphead devant Horizon. Un point. Voilà. C'est ce que tu fais pour l'instant ? Tout ce que je fais pour l'instant. La tension est maximale. T'as payé ? T'as payé ton dû à la. Oui, j'ai payé. Après, c'est à Yann, je crois, qui en a le deuxième plus. Ouais, bah moi, c'est Nier Automata qui remonte, encore une fois, devant Persona 5. T'as fait 2. Ça me va. Ouais, troisième place, c'est bien, on peut le laisser là. C'est bien. Je me donne le droit d'invalider vos votes si vous voulez. Yannick. Pour un, je vais monter fort au nord. C'est bien. Oh, ça la joue petit ouais, portefeuille là. Petit joueur. Hein. Ça retourne chez Métis. Métis. Pour deux, je vais remonter Edith Finch devant Horizon. Oh non! Il fallait cumuler les points, les fans d'Horizon. Hein. Ouais. Je sais que vous n'avez pas les jeux compliqués, mais quand même. Ça casse. Ce troll gratuit. Yann, la tristesse sur le visage de Mimi. Bah, je remonte Nier pour 3. Oh, non! Non, c'est moche, c'est moche, c'est nul, Nier. Non, c'est pas nul, mais. Non, mais bon, quand même. Yannick? Pour 2, je monte Persona 5. Non, mais non! Flo, Flo, c'est tout sur toi. Là. Battle sur la 3ème place. Pour 2, je remonte prêt. Que 2? Tu peux en mettre 4. Donc là, faut expliquer parce qu'il se passe un truc. Bah, on va expliquer tout à la fin. On a la place d'or sur Divinity Original Sin, qui est vraiment sécurisée et intouchable. On a la place d'argent sur le 2ème et le 3ème. Il y a Nier Automata et Prey. Et en médaille d'or, les 4, 5, 6, on a Persona 5 qui arrête pas de bouger pour passer en médaille d'argent, Cuphead et What Remains of Edith Finch qui est retourné en 6ème. Et c'est ta liste, Yann. Ouais, j'hésite. Je sais pas ce que vont faire mes compatriotes. J'ai envie de monter Zelda, mais ce serait un peu du gâchis. Parce que quand même, c'est quoi là, 13, 14 ouais, 14, je crois. 14. Ça fait mal de le voir si bas. Très, très dur. C'est bien, il est bien. Là. Mettez-moi Zelda, putain, où je vous... Mais tu veux pas mettre Resident Evil ici de lingue. Non. Je mets un point sur Nier. Yannick Je monte For Honor 2-1. Oh, mais Yannick, on s'en fout de For Honor. Non, il est bien. Ça mérite pas un 7, ça mérite pas un 7. Il est bien, mais ça mérite pas un 7. Il fallait cumuler des points dans ce cas, mon gars. C'est vrai. Moi, j'ai bougé pas mal de trucs. J'ai pensé mes points. T'as tout cramé. Je te fous, je te fous fort au nord en bronze à la place d'Edith Finch et voilà. Flo, il faut que tu calcules. Flo, il faut que tu fasses un dernier mouvement là. Parce qu'il n'y a que toi qui peut monter prêt encore. Presque. Je remonte Zelda à la place d'Edith Finch. Voilà! Oh, yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous me le casez en top 1 d'ici la fin. Ah merde, j'ai que 9. 9 10 bah non, attends, 10. Attends, attends, ah non, j'ai pas besoin de le mettre à la place 1, de Cuphead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ah non, non, mais non, je peux pas en fait. Donc, non, je fais pas ça. Non, je fais pas ça, ça sert à rien. J'ai mal calculé, j'avais pas vu qu'il était. Monte prêt et protège prêt à 100%. Non, j'ai pas envie de monter prêt. Yes. Tu préfères mettre Nier Automata avant? Dans la manœuvre, je allez, peux t'aider. Allez, montre-moi Zelda là, vous avez. Non, non, pas Zelda. Montre pas Zelda, laisse Zelda. Vous remarquez que les bons sont tous à la table finale. Ceux qui ont aimé Zelda, ils sont tous là en train de se battre pour le même jeu. Je monte Zelda de deux places. Déjà, faut que tu montes un peu plus si tu veux que je te booste. Eh ben, il veut pas que tu boostes. Je veux voir. Comment ça va se dérouler? Tu montes juste d'une place? Deux places. Oh là là, c'est tendu. Yann! Ah, déjà. Et oui. 3 points, Yann, pour faire un petit mouvement. Putain, je monte Zelda d'une case. Yannick? Allez, For Honor, Yannick en 6ème. Montre-moi Zelda, je suis presque la 6ème place au moins. Non, je t'avoue que ça me ferait rien, mais le problème, c'est que je peux pas mettre Persona 5 en argent et For Honor en bronze en même temps. Enfin, bah si, c'est bon. Mais sinon, mais je touche pas à Zelda, je fais pas partie de l'effort commun. Bah fais pas l'effort commun, on s'en fout. Hein. Si, si, là, il y a un effort commun qui se crée. Non, c'est beau, c'est un beau. C'est à quoi, il sera jamais dans le top 3, on s'en fout. Bah allez, plus de place pour Zelda. Yes. Il te reste des points, Yannick? 2. Tout ça pour ça, franchement. Mati. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais remonter Zelda d'une place. Alors là, Horizon a perdu au moins 6 places au classement. Quoi. Il y avait de la stratégie, mine de rien, dans le jeu. Hein, fallait pas tout dépenser. Je suis désolé, Yann, Mimi. Bah, on remonte Zelda d'une place. Allez, ouais, il va finir en deuxième. For Honor, là, j'accepte. Et il n'y a plus qu'Annie qui a des points, c'est ça? Non, il y a Métier encore. Il y a plein, mais. Il va faire son boulot de mettre Zelda en bronze. Il va pas faire ça. Yannick, à toi. Ouais, le problème, c'est que si. Et toi, tu tiens après. Ah, c'est bon, ouais, tu vous. Tu tiens après. S'il n'est pas dans le top 3, ça me dérange pas. Ok. Et ben, Persona à la place de près. Yes. Sérieux, quoi. Mais Persona, par contre, j'aurais préféré être prêt à la place de. Bah. Ouais, attends, crame tes points de faire. Annule ça, là. Persona, ça vaut pas. Persona, c'est quand même moins bien que prêt. Non, faut arrêter. J'ai pas joué à deux jeux, guys. On s'en fout. J'ai pas joué à deux jeux, j'ai au moins 3 au moins. C'est à qui, c'est à toi? Ouais, donc je vais dépenser un point. Pour remonter prêt. Alors pour sécuriser, maintenant ça sert plus à rien. Hein, t'es tout seul maintenant. Non, je vais dépenser 4 points pour mettre Edith Finch en 3e position. What? Oh. Comme il est tout ce troll. Wow. C'est un plot twist. Ah ouais, là. Et je remonte près d'une place. Yeah. C'est beau, ça. Zelda reste au bout. Et voilà, c'est fini. Yes. C'est fini. Alors, le classement final. Ah, c'est toi qui as décidé ça? Ouais. Attends, il y a mes votes à moi. Donc, le classement final, vas-y, Gaël. Eh ben, Divinity en première position. Médaille d'or, 51 degrés, bravo. Il le mérite. Il le mérite. C'est vrai, il le mérite. Ça me va. C'est pas grave, c'est pas les jeux vidéo. Donc. C'est un bon jeu, mais on s'est quand même tous bien fait chier sur la deuxième partie. Nier Automata est disparu. Nier Automata est en deuxième position ex aequo avec What Remains of Edith Finch. Qui est en médaille d'argent ex aequo. Ouais, ex aequo médaille d'argent, donc deuxième et troisième. Et les médailles de bronze ex aequo, prêt, Persona 5 et Capel. Yes. Et après, nous avons Zelda qui a pas réussi à franchir le cap. Tant mieux, il méritait pas. En fait, je voulais le mettre sur le podium et j'avais pas assez, donc je me suis dit. Il est en 7 Zelda. Il est en 7, ouais. 7 Zelda, 8 For Honor, 9 Horizon qui a fait une tragique dégringolade. 10 Hollow Knight. 10 Hollow Knight. Et 11 Super Mario. C'est bien fait. Et après, les derniers, donc Hellblade, Resident 7, je vois pas. Assassin's Creed, Mass Effect, PUBG. Mario et les lapins crétins, Wolfenstein 2, ok, loin. Little Nightmare, Destiny 2 et Star Wars Battlefront 2. Il ferme la marche. Et voilà, c'était notre top à la con de 50 nuances d'exil. Le topo de l'année. Topo de l'année. Je pense qu'il est à peu près aussi objectif que tous les tops de Polygon. Non, mais il est pas mal, quand même. Hein, moi, je trouve ça va. Moi, je suis assez satisfait. Il y a juste What Remains of Edith Finch qui est un peu haut, quoi, quand même. Vous arrangez avec Nier Automata qui est un peu haut aussi. Non, mais tu voulais pas le baisser. Je suis plutôt bien, là. J'ai deux jeux de mon top 3 dans le top 3. Très bien. Donc là, pour la suite, je vous propose de faire une dernière petite pause, puis après, on fera un dernier tour de table final pour vous pouvez caser vos jeux que vous avez pas pu, que j'ai pas mis dans le top ou ce que vous avez mis en 2017, tout ça. Alors Ludo a commencé. C'est merveilleux. On part comme ça ou Ouais. Bon, voilà pour le petit tour de table final. Donc le but, c'est de faire un tour de table. Final. En mode un peu bilan 2017, 3-5 minutes chacun en maximum. Plus personnel du coup. Oui, plus personnel, plus objectif peut-être que ce classement pourri qu'on vient d'établir. Bah, honnêtement, je trouve qu'il est plutôt assez représentatif, je pense, des avis qu'on a tous autour de la table. C'est un bon compromis, quoi. Ouais. Ça me va. C'est vrai que les jeux qui ont plu à qu'une seule personne se retrouvent généralement à la fin du classement. C'est pas mal en soi. C'est vrai que Battlefront 2 est si bas, ça me personne n'y a joué presque. Si, peut-être Will, mais... Oui, j'ai eu une quarantaine d'heures dessus. Quand même. Il y a des gens comme ça, il y a tout sur la table. Ah, écoute, j'ai osé. Bon, j'ai arrêté net à 40 heures parce que j'en pouvais plus. Du coup, on commence avec vous. Allez, fais ton petit tour. Oui, vas-y, continue sur ton année. 2017, c'était une année de ouf en termes de jeux. On a tout eu. De toute façon, on voit par rapport au classement, il y a eu de l'indé, il y a eu des jeux de Jap, il y a eu tout, des RPG. Il y avait vraiment, on ne pouvait pas tout faire, c'est pas possible. Vraiment, enfin moi, 2017, je sais pas si on peut la retenir comme une des plus grandes années de jeux vidéo, mais certainement l'une des plus grandes, ouais. Que j'ai dépensé beaucoup de sous aussi, c'est ça. Ouais, pas mal aussi, ouais. Ça pour acheter des consoles qui servent pour un jeu, effectivement, c'est ça coûte cher. Deux, trois jeux là, comme pour ça, qui deux jeux. Qui t'ont marqué. De toute façon, déjà le GOTY, moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est Nier Automata. Déjà les musiques extraordinaires. Enfin, le scénario est extraordinaire aussi. Vraiment, plusieurs runs d'affilée, enfin, c'est un jeu d'une profondeur inouïe. Moi j'ai adoré, j'ai surkiffé ce jeu. Cuphead aussi, bon, même si j'ai tapé pas mal de crises de nerfs, vraiment pour le côté graphique, comme on disait, c'est vraiment ahurissant. Prey aussi, bon, je l'ai encore pas bouclé, et 2017 c'était vraiment, voilà. Mais vraiment aussi Arkane Studio pour Dizo aussi, Dishonored, j'ai adoré le DLC. Ouais. Donc, grande année de jeux vidéo, mais sinon j'aurais un coup de cœur plus global. C'est à 50 nuances degrés. Oh là là, allez, vas-y. Tu seras invité en 2018. C'est le moment de la lèche, quand même. C'est bon, tu peux passer sous la table. On peut les remercier, quand même, de nous avoir accueillis, quand même. Voilà. Merci à vous. Parce que c'est vrai qu'on dit, ouais, c'est une super année de jeux vidéo, mais on peut en parler, mais grâce à vous. Bah écoute, merci. Voilà. Oh, ouais. C'est gentil, ça. Ça fait plaisir. Bon, on a un podcast, en fait. On aurait dû te faire passer à la fin, du coup. Ouais. Et sinon, bah, alors après, en coup de gueule, éventuellement, coup de gueule, bah, j'en ai un gros, c'est vers Electronic c'est Arts. C'est 50 MDR aussi. Electronic Arts, on va dire leur politique tarifaire, modèle économique, c'est scandaleux. Vraiment, bon, on va pas revenir sur le cas de Battlefront 2, Lootbox, machin, compagnie. Il y en a eu d'autres, hein, c'est pas le seul. Need for Speed aussi a eu le même problème. FIFA aussi des problèmes de transactions. Même là, j'ai lu récemment qu'ils avaient ressorti les DLC de Mass Effect 2 et 3 sur Origin au tarif plein d'époque, donc 20-30 balles quand même, des DLC qui datent d'il y a 10 ans, ça c'est scandaleux. Donc vraiment, carton rouge pour les Electronic Arts. Ça pour acheter de la drogue derrière. Ouais, ouais. Mais non, voilà, c'est le gros coup de gueule, c'est ça, c'est ce tarif, ces politiques tarifaires, vraiment, c'est scandaleux, quoi. Donc voilà, c'est mon coup de gueule pour l'année 2017. Sinon, grosso modo, j'ai pas d'autres coups de gueule. Vraiment une très bonne année du vidéo. Très bien, c'est beau. Après, pour l'histoire de c'est, enfin, ils essayent, ils sont chez eux, voilà, ils tentent, ils regardent si ça passe, quoi. Donc il y a des blaireaux payés. Voilà. Ouais, après, merci, j'ai acheté des Battlefront. Mais t'as pas payé, si tout le monde avait proposé le jeu, personne n'avait dépensé leur moindre copec dans le truc. Pour Battlefront, en fait, au départ, je voulais le faire, c'était surtout pour le mode solo. Je voulais voir ce que ça donnait par rapport au film, l'épisode 8. Moi, je fais partie de ceux qui ont été vraiment déçus. L'épisode 8, voilà. J'ai été vraiment déçu de l'épisode 8. Et c'est pareil, ça va de pair, quoi. Enfin, le scénario de Battlefront 2 est abject. Vraiment, c'est le néant absolu du FPS. Ça sert à rien. C'était ni fait ni à faire. Donc, franchement, non, aucun intérêt. Ça détruit un peu plus au Star Wars. Bah, malheureusement, non, parce qu'il n'y a aucune prise de risque. Mais c'est surtout dans le level design, c'est le néant absolu. Ce qui fait que c'est inintéressant à jouer. Donc non, vraiment, passez votre chemin. Battlefront 2. Je vous dis pas que j'ai pas pris un peu de plaisir sur le multi, sur quelques parties, parce que j'ai fait quand même 40 heures. Donc il y a quand même un fond de plaisir. Mais vraiment, le système de boxe avec les cartes, voilà, c'est juste n'importe quoi. Et, c'est mal équilibré. J'ai vu qu'ils prévoyaient de faire une refonte de système, genre, mais ouais, refonte totale, hein, pas juste. Ouais, une... ouais, ça a été annoncé pour le mois de mars. Je pense que c'est un peu trop tard. Mais... ouais, mais voilà, il n'y a plus grand monde dessus, ça se voit. Tu recherches une partie, il n'y a pas grand monde, hein, franchement. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Will. Alors, celui qui va passer après ses hommages va avoir la pression. Donc, qui veut s'y coller? Moi, je veux bien, parce que je trouve que 2017, c'était pas une très bonne année. Donc, comme ça, je voulais le dire. Lui, il a le l'aigri d'or. Ça, c'est moi l'aigri d'or de cette année. Merci le beaucoup. Le seul mec qui votait pour descendre des jeux. Je peux remercier ma maman. En fait, il y avait beaucoup de grands jeux, mais t'as été déçu. Non, j'ai pas été déçu. Je trouve juste que c'est pas une année exceptionnel, c'est une bonne année. Je pense qu'il y a eu globalement des titres bons, mais pas des titres que j'ai trouvé absolument génial. Pas comme 2016, où je trouve que 2016, il y avait vraiment des jeux qui sortaient du lot beaucoup plus que cette année. Du coup, j'ai pas vraiment de GOTY, okay, comme quoi. Comme quoi? Bah, je trouve par exemple The Witness, c'est un jeu, tu vois, The Witness, Firewatch, c'est des jeux qui marqueront plus dans l'indé pendant plus longtemps que ce qu'on a eu cette année. Toi, Hollow Knight en indé ou Cuphead, c'est des jeux qui sont cool et tout, mais je suis pas sûr qu'ils marqueront. Peut-être dans l'indé, ouais, je suis d'accord avec toi. En indé, c'est vrai que 2016, c'est probablement plus de jeux marquants. Ouais, je suis d'accord. Et il y a eu Ori aussi. Plus de milestones. C'était 2015, Ori. Ouais, non, c'était 2015. C'est 2015, ouais. Définitivement. Fin 2015, de... je crois. Ouais. Mais bon, bref. Mais voilà, ça change pas que tu prends de ce qu'on a pu tester, soit Edith Finch, soit Hollow Knight, soit. Ça reste des très bons jeux. Pour moi, il y a des bons jeux, mais tu vois, dans les classements que j'ai fait sur cette année. Noyé par ces gros triple A. Du coup, j'ai fait un petit top polygone. T'as fait un petit top polygone. Je fais un petit top polygone. Vas-y, lâche le top polygone. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas de GOTY vraiment de cette année. Moi, je regarde souvent les jeux à comment j'y joue, soit comment ça me plaît, lesquels je binge play en gros sur binge l'année. Play. Et il y en a que trois que j'ai binge playé cette année, c'était Prey, Thimbleweed Park et Kona, dont personne n'a jamais parlé. Voilà, je voulais les placer. Et qui pour moi étaient les trois meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année. Thimbleweed Park de Ron Gilbert, qui est un peu. Qui a des mais pareil, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est un jeu qui a des défauts, il y a trop de nostalgie sur Lucasfilm, il y a un peu trop de blagues perso là-dessus, mais je trouve que le jeu est magnifique, il est super bien écrit, les blagues sont top, etc. C'est un bon jeu. Kona, j'en avais déjà parlé dans un tour de table sur l'épisode de Prey, je crois, où j'avais bien kiffé aussi. Et Prey, voilà, c'est les trois seuls que j'ai vraiment binge-playé. Après, Assassin's Creed, toi, par exemple, j'ai bien aimé, je le mettrais en quatrième, cinquième, mais il y a des fois, j'en avais un peu marre et je me suis pas en mode le soir, j'ai envie de jouer quand je rentre et je veux jouer qu'à ça, quoi, pendant des heures. Donc pas de super gros coup de cœur, mais ces trois-là que j'ai bien kiffé. Pas de coup de gueule particulier, parce que moi je suis pas un mec aigri comme ça. Non, j'aime bien les jeux. Et en 2018, j'attends rien du tout, parce que j'ai l'impression qu'il y a rien du tout d'annoncé si, pour 2018. Peut-être j'ai envie de jouer un jeu là-bas. Ouais, ok, il y a Monster Hunter qui a l'air pas trop mal, pourquoi pas. Mais après, je trouve que c'est le jeu. Enfin, je vois pas trop d'autres annonces hyper excitantes sur l'année. Flo parlera de Cyberpunk ta mère tout à l'heure là, et, qui a l'air pas trop peut-être ah, oui, sortir, qui sortira pas peut-être 18, pas. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jeu alors qu'on en sait rien, bah, c'est ça, juste ici, que c'est du Cyberpunk, il y a une voilà. cinématique et c'est du Cyberpunk et voilà, on sait juste bon. Que c'est des projets, c'est faire c'est comme des, quand t'attends des, maintenant des un nouveau Tarantino parce que les mecs ont une réputation et tu sais que parce que les jeux d'avant ont été bien t'attends qu'ils soient bien celui-ci, tu peux être déçu, tu peux passer à côté, ce qu'ils ont montré c'est sexy, mais on sait pas ce qu'il y a derrière, on va attendre quoi. Donc voilà, ma 2017, ouais, c'est les trois là. Après, c'est vrai que j'en ai joué, j'ai pas joué à tout, mais bon, c'est ce que j'en tiendrai. Puis non, j'ai pas tout fini, je voulais faire Wolfenstein encore, que j'ai pas fait, quand même, que je voulais tester. Tu peux. Et Cuphead, cool. qu'il faut que je touche un petit peu, mais je suis pas sûr que ça va me faire changer mon classement. Voilà, ok. Merci à toi. Giulio. Oh. Oh là là. Mimi voulait se lancer, mais je préfère... Tu voulais te lancer donc. Non, vas-y, tu veux. Et bah, moi je suis pas quelqu'un qui suit énormément l'actualité, donc je fais toujours les jeux avec du retard parce que je trouve que quoi qu'il arrive, c'est trop cher. Donc là, je viens de lancer Super Mario World 2. Voilà, sur exactement. Très bonne année. Je suis un peu déçu. Très bonne année. Non, du coup, bah, de cette année, j'ai surtout aimé Resident Evil 7 parce que c'est un peu le retour aux sources qu'on avait perdu depuis énormément. Tu l'as bien défendu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tu l'as bien fait remonter dans le mais top. Mais je trouve qu'il est devant Assassin's Creed, donc c'est une grande victoire déjà. Il est à la 13e place. Ça porte bonheur. C'est vrai. Eh oui. Ou malheur. Peut-être. Donc je trouve que c'est enfin un retour aux sources de la série Resident Evil qui m'a un peu lancé dans le jeu vidéo. Donc, Et t'as pas peur quand même pour le 8 qui, la même formule, s'essouffle un peu? Eh bah, moi je trouve pas. Je trouve vraiment que quand j'ai attaqué il y a 20 ans, le 2, oh le bah 3, Dieu. Le 1, le Director Scott, ils étaient tous géniaux. Et moi je trouve quand une formule marche, tant qu'ils se perdent pas en fait dans des trucs inutiles, dans juste vouloir essayer d'améliorer des trucs qui n'ont pas besoin d'être touchés, je suis pas forcément... Parce que moi le seul truc qui me fait peur avec le 8, c'est qu'on voit la deuxième partie du 7 qui est plus action, et je trouve que ça marche moins que la première partie, qui est vraiment intéressante dans le manoir. Et j'ai peur qu'un 8 en total action, parce que j'ai peur de ça. Bah c'est comme le 5. Mais ça sera comme le 5, j'ai peur ça sera qu'on le même se dise, problème. Ouais, ça perd son charme. Et en fait, moi, j'aimais bien le 5. Mais nous, on l'a beaucoup aimé, mais c'était pas un Resident Evil. C'était un jeu d'action. C'était un pur jeu d'action. Contre des zombies. Ouais, si on veut, ouais. Il y avait pas le côté un peu effrayant. Mais surtout, rien qu'avec le mode arène à 2 joueurs pour... Pour le mode coop, il était sympa au moins. Il était très sympa. Sinon, à part ça, bah, Divinity, pas de surprise. Hein. Comme on l'a dit, il s'essouffle un peu vers la fin, malheureusement, mais je ne sais pas combien de temps on y a passé. 150 Voilà, donc je trouve qu'un jeu qui s'essouffle... Oui. Un jeu qui s'essouffle au bout de 150 heures, ça reste quand même un bon jeu. Et du coup, bah, bonne année. Bonne année. Meilleur vœu. Oui. Champagne. Et pour 2018, bah, écoute, sans surprise, je suis comme pas du tout les news, mais vu qu'on va parler du remake de Dark Souls, je pense que c'est Dark Souls avec le patch HD hein, donc... Bah écoute, c'est pas grave, parce que ça me fera toujours plaisir d'y rejouer. Parce que s'il y a bien un jeu que je relance tout le temps avec plaisir et toujours le même, c'est la série Dark Souls. C'est beau. Ouais, c'est, voilà. C'est un beau message publicitaire. La souffrance. La souffrance, voilà. Tant qu'il y aura des jeux qui feront souffrir les joueurs, je jouerai. Ok. T'es maso, quoi. Peut-être. Mais j'ai pas joué à Cuphead, du coup, faudrait que je l'essaie quand même. Parce que là, il va souffrir pas mal. Ouais. Ça vaut pas un Dark Souls, j'ai trouvé, mais j'ai moins souffert que sur Dark Souls. Ça bien plus frustrant qu'à Dark Souls. Ah ouais, j'ai pas. Ouais, mais c'est pas tant la frustration qui est agréable dans Dark Souls. C'est la vraiment... souffrance vient de la frustration, donc si tu veux de la souffrance. Ouais, c'est de l'apprentissage après, c'est un autre style de jeu, donc j'aimerais peut-être moins, parce que je suis pas trop dans ce style-là, mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup, donc je l'essaierai. Ok. Merci Giulio. Non, on va pas enchaîner avec le couple parce que c'est trop cliché. On va plutôt faire Yann. Oui. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas bonjour le couple ouais, peut-être. Qui t'as qui là déjà, rappelez-moi. Donc, mon petit récap de l'année, bah, excellent, comme tout le monde l'a dit. Je vais faire un petit. Voilà, celui qui voulait pas voter Zelda. J'ai acheté les bons jeux, mais forcément après il fait même, il dit t'es pas si bien que ça. C'est ça. T'as un vrai gris, tu vois. Donc mon jeu de l'année n'est pas du tout dans le top 21, c'était Pyre, du jeu Super Giant. Ah oui, c'est vrai, c'est le seul. Parce que rétrospectivement, en fait, j'ai adoré du début à la fin, c'est beau, il y a des musiques exceptionnelles aussi. T'as dit quel jeu? Pyre. C'est quoi ça? C'est le truc des mecs qui avaient fait Bastion et Transistor. Transistor. Okay. Ah, ça se prononce comme ça? Oui. Pyre. Pyre. Pyre. Ah oui, je comprends mieux maintenant, merci. Voilà. Et donc voilà, ça nous met en charge une petite équipe de personnages qui sont géniaux, hyper attachants, et ce qui est déchirant, c'est qu'on va devoir s'en séparer, il faut choisir qui va partir. Et... enfin, il y a vraiment une dynamique exceptionnelle du début à la fin du jeu, même si la difficulté est pas terrible, parce qu'on se bat toujours contre des IA, donc ça peut être tout le monde. C'est un jeu de basket, c'est ça? Ouais, un petit peu, c'est... mais ça qui était fou, quoi. C'est un jeu de sport, quoi. Fait, what? C'est la suite de Football Manager? Un peu, ouais. Ouais, c'est une espèce de balle aux prisonniers, un peu stylisé, quoi, mais vraiment, c'est un des jeux... mon jeu de l'année, en fait. D'accord. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? D'autres jeux qui t'ont marqué, peut-être? Beaucoup, bah, j'imagine. Nier Automata, Divinity, pareil. Vu le top, là, c'est à peu près tout ce qui est cool. j'en ai fait pas mal, en fait, finalement. Plein de petits jeux obscurs... des jeux que j'ai pas aimé non plus, par exemple Observer. Observer qui était sous Resident Evil, là je sais pas si vous avez vu, mais j'ai trouvé aucun avis oui, dessus. Oui, on a vu Observer. Ah ouais, ouais, parce que j'ai trouvé aucun avis intéressant dessus, donc j'ai mis Resident Evil à la place. Je pensais qu'il y avait une personne qui l'avait fait. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est très... en fait, vu qu'on a des séquences dans la tête des gens, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Enfin, tu dis, ok, c'est un peu de la métaphore, mais en fait, bon... passer... 8-10 heures à marcher dans des couloirs et à voir la tête des gens, au bout d'un moment, c'est... mais sinon, c'est très beau. D'accord. Voilà. Une bonne ambiance. Ok. Et pour 2018? Pour 2018, moi, c'est vrai, c'est Dark Souls. Ouais. Dès qu'il était annoncé, j'en pouvais plus. Voilà, je me rends compte. Mais alors, on s'emballe tous pour un jeu qui a 10 ans. Exactement. C'est triste. C'est beau l'avenir bah du oui, jeu. Que... je pense que c'est le seul truc qui est ressorti pour 2018 pour l'instant. C'est vrai que c'est assez triste. J'ai rejoué au 1 même cette année. Je prends toujours autant de plaisir. Donc, redécouvrir ça sur Switch, ça va être encore mieux. Et d'ailleurs, bah, la Switch, énorme succès cette année, c'est un peu ouf. Je pense qu'à l'annonce, personne s'y attendait vraiment à ce que ça cartonne autant. Et ça continue en plus, ça a déjà dépassé toutes les ventes totales de la Wii U. C'est quel exploit. C'était pas facile. Donc 450, je crois que ça vient tout juste de dépasser. C'est pas, je crois oui, ça vient juste, dépasser. Mais c'est quand même dingue. Sinon, coup de gueule, bah, ce serait coup de gueule contre les joueurs qui continuent encore aujourd'hui à faire des menaces de mort contre les développeurs et à dire de la merde, comme on l'a vu hein, dans, tes... bah, dans le quiz. La crème de la crème, tu sais. Qui adore répandre tout ce qui est mauvais et d'aller critiquer les gens parce qu'ils n'ont pas aimé un jeu. Et donc en 2018, moi, je prône la bienveillance et d'aller dire si on aime bien un jeu, il faut le dire. Bah, c'est un très bien dit, très beau message, voilà. Je suis d'accord de avec ça. De l'amour. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gamers guetteux et de scandales cette année sur différents sujets. Avec une syntaxe pareille, t'as juste le droit de fermer ta gueule, quoi. C'est le truc de base. Donc vous l'aurez compris, oui, les Yann, ce sont les hippies de la table. Heal the world. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut plus rien dire. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis. Merci à toi. Myriam, vas-y. Je te sens bouillonné, là, t'as envie de dire plein de choses. Pas du tout. Si, allez, si, c'est si, le moment si. De réhabiliter ton... De pardon ? De réhabilité. Je vais réhabiliter. Deux jeux. alors, moi, j'ai adoré Divinity, mais c'est pas mon GOTY, parce que il m'a pas surprise. Par contre, Prey, c'était un jeu auquel je m'attendais pas, et j'ai vraiment adoré l'ambiance. Dans les deux premiers tiers du jeu, parce que le dernier tiers... c'est un peu chiant quand on doit refaire des allers-retours ouais, sans arrêt et que les temps de chargement entre chaque zone est très longue. C'est vraiment relou. Mais voilà, vraiment, j'ai adoré ce jeu, donc je le mettrai en 1. Divinity, super. Bon, rien à dire. Resident Evil 7, j'ai adoré pour la même raison que mon compagnon. Que Rulio. Voilà, donc je ne vais pas répéter. J'ai beaucoup aimé Assassin's Creed. Ouais. Parce que bah, j'ai trouvé déjà vraiment très beau. Et j'adore l'ambiance de l'Égypte. Et elle était très bien retranscrite, comme à chaque fois, les époques. Et puis il se laissait jouer agréablement. Voilà. Elle dit ça avec tellement d'entrain. Quoi. Et t'as oublié Horizon. Et Horizon. Bah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je me sens un petit peu jugée là-dessus. Mais non, donc, vas-y. J'ai beaucoup aimé Horizon. Pareil, c'est une découverte, je ne m'y attendais pas. Donc forcément, j'ai vu tout le bien que ça m'a apporté. Et ça t'a rendu plus heureuse. Voilà, je ne savais pas. Alors, mais c'est une question. C'est des super combats, c'est très beau, l'héroïne elle est top. Donc, oui, il y a des choses à améliorer forcément, mais c'est quand même très très bon pour un premier jeu. Et du coup, le deuxième, j'en attends beaucoup. Mais du coup, vu que j'en attends, je serais peut-être plus déçu. C'est déjà annoncé ? Non, mais la Jam. Non, mais c'est ça, c'est une mini-annonce. Ah, d'accord. Alors voilà, c'est une annonce à faire. Exclus 51 degrés. Horizon 2, 2019. Okay, c'est noté. Deuxième semestre. Et pour 2018, Monster World. Monster World. Chasseur de monstres dans le monde. Je crois que c'est plutôt le monde des chasseurs de monstres. Oh, ouais, okay. Non, je sais pas. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Et si un Elder Scroll prochain. J'entends ça tous les ans, moi. C'est j'ai déjà eu les remasters Skyrim. Maintenant, ils annoncent 6 mois avant la sortie, donc à mon avis... C'est vrai. Bah, Bethesda, si tu m'écoutes, je pense qu'ils écoutent cette année pour une sortie l'année prochaine, peut-être. Voilà, au moins une annonce, quelque chose. Quelque chose à mettre sous la dent pour regarder streaming jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est vrai que si tu regardes l'écart par rapport aux autres Elder Scrolls, on a déjà pété les records. C'est pour ça qu'on y est presque. Il faut compter le 4 au milieu, en fait. Il faut compter le Elder Scrolls Online aussi. Entre Skyrim et Oblivion, t'as eu Fallout 3 aussi. Ils bossent sur des portages VR et des trucs machin, ils ont pas le temps, là. Pour l'instant, tout le monde s'en bat les couilles de Red Dead Redemption 2. C'est beau. Je pense que Yannick va arriver. Non, j'avais bien aimé Red Dead Redemption. C'est surtout 2018, c'est une énorme sortie. Ça va être la plus grosse sortie de l'année. Mais Rockstar, quand ils donnent une date, de toute façon, tu les crois pas. C'est vraiment à la fin quand ils disent voilà, date définitive, on sort. Ils ont pas tant de retard que ça, Rockstar, je crois. Si, ils s'amusent toujours à retarder. Ah non, j'ai un autre jeu que j'attends. Ah, mais c'est trop tard, c'est bien, on a pas autre chose. Non, c'est Magic, mais en. La bêta. Magic the Gathering. Ouais. Ok. Je suis inscrit sur la bêta et j'attends de voir ce qu'ils vont en faire parce que. Elle a pas été lancée, la bêta encore. Parce que ça ressemble pas encore assez à, au Blizzard. Tu as vu, elles sont les montagnes d'épines. Non, pas encore. D'accord. Je pose deux terrains. Ok, j'ai fini déjà Google. C'est 50 LDA. Des cartes premium. Ils sont vraiment c'est très les aigris. Les aigris à côté de moi, il y a un peu pénible. Oui, ils sont vraiment plus, trop chiants. Ils sont trop chiants, j'en ai marre. J'en ai marre, je quitte cette table. Je quitte cette émission. Ok. Merci Mimi. Il n'y a pas 50 nuances d'heureux quelque part. C'est moins marrant. Hein. Bon, il reste les trois piliers de cinquantaine. Ouais. Nous, on s'en fout. Non, tu l'as déjà fait. Ouais. C'est ouais, parti. Non, mais je comprends. Qui veut commencer? Qui veut finir? Qui veut être au milieu? Moi, je veux bien être au milieu. Ça m'étonne même pas. Elle commence, Yannick. À toi. Ok, donc 2017, c'est quand même une belle année d'enfoiré. Je veux dire, on prend la liste qui est là. J'ai pas joué à la moitié des jeux et pourtant, j'ai passé mon temps à jouer cette année. T'as passé la moitié de l'année sur Persona, non? Oui, aussi. Il y avait deux semaines. Non, deux semaines pour le plier du début à la fin. Ça a été un gros rush. Vraiment un jeu qui m'a marqué cette année. J'aimerais qu'on se souvienne de 2017 comme étant l'année où Star Citizen n'est pas sorti. Pas fait de point Star Citizen. Et on a tendance à oublier aussi tous les jeux de la fin 2016. Notamment, personnellement, je les ai joués surtout en 2017, les Watch Dogs 2 et choses comme ça. Il y avait quand même de très bons jeux pour faire. Les Guardians, ouais, je m'en rappelle. Compliqué. Voilà, et il faut pas oublier que 2016, c'est l'année où Star Citizen n'est pas sorti. Oui. 2015 non plus, je crois. 2018 ne sortira pas non plus. Et, voilà, et 2018 est une année qui démarre quand même avec beaucoup, beaucoup d'intensité, que ce soit Dragon Ball Z Fighters, que ce soit Monster Hunter World. Enfin, c'est des jeux qui, personnellement, bon, c'est énormément. Je sais que sur Dragon Ball, je suis à peu près seul à cette table parce que les jeux de combat, ça touche pas beaucoup un grand monde. Personnellement, je suis excité comme pas permis. Oula, grand fou. La table bouge, la table bouge. Même si 2018, c'est une année où on n'a pas de visibilité, si ce n'est que j'espère que 2018 sera l'année où Star Citizen ne sera pas sorti. Mais il y a pas... c'est lequel l'autre, l'autre jeu de Kickstarter qui a été kickstarté sous chier japonais, là, qui ne sortira jamais là. Shenmue 3 Shenmue 3, voilà. Ouais. Ça t'en plus parler, mais ça. Mais si, il a été annoncé sur Switch. Justement, le problème, c'est qu'on entend parler en 2018. Oui, tout, c'est vrai. Oui. Attention, ça, c'est une grande nouvelle. Pour dire que désormais, il ferait moins d'annonces. Ah, ils en font quand même derrière et ils devraient pas. J'attends Terraria 2 aussi. Ça va sortir, ça? Ça serait chouette. Un jour. Ah, par contre, c'est pas le podcast des fantasmes vidéoludiques. Non, non, non. C'est annoncé? Ouais. Non, c'est en développement. Ah, sinon, on aurait parlé de Shenmue 3, c'était le fantasme. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Flo, que j'y aille. Maintenant, Flo, il avait dit qu'il devait. C'est un homme du milieu. Et comme ça, le grand chef termine et c'est beau. Ouais, mais il n'y aura pas de beaux mots pour la fin, donc. Non, bah, il y a déjà tout qui a été à peu près dit sur. On n'a pas parlé de PUBG encore, si tu veux. Alors, je vais en parler. Donc, évidemment, Divinity, ce serait. Si je devais mettre un GOTY, ce serait mon GOTY, parce que malgré que sur le coup, ouais, il y avait quelques longueurs sur la fin et quelques problèmes qui faisaient que je préférais le 1, maintenant, avec le recul, c'est le jeu qui m'a laissé le souvenir le plus impérissable pour 2017. Donc voilà, il est très bien à sa place par rapport au top qu'on a fait. Tu veux dire en premier? Oui, ouais. En premier. Voilà, donc sinon, il y a eu quoi d'autre? Alors, Edin Finch, que j'ai boosté à la fin pour mettre en troisième. Pourquoi il m'a marqué? Parce que je l'ai trouvé assez unique dans le monde des Walking Simulator. Donc, sur la forme, sur la manière dont est raconté l'histoire, etc., le fait qu'à chaque mini-histoire, il change un petit peu le gameplay, tout ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment plein d'idées originales qui m'ont vraiment fait aimer le jeu et qui, pareil, m'a laissé un très bon souvenir. De plus, il n'était pas très long, il faisait 2h30. Ce que je trouve, pour un jeu de ce genre-là, la durée est à peu près parfaite. Donc voilà. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Hellblade, que je suis le seul à avoir aimé ici. Mais non, allez, vas-y. Ah, Will l'a aimé. Mais non. Merci. Que voilà, ouais, j'ai adoré pour les raisons que j'ai déjà dit dans 50 NDA. Je vous reporte à l'épisode, je sais plus combien. 6 ou 7, 8. Mais voilà, très très très bonne ambiance, ouais, écoute, très bonne musique. Bonne ambiance, c'est vrai que. Et puis attends, Hellblade, il a été très bien retranscrit. Quoi. Il a été récompensé aussi, hein, donc ça veut bien dire quand même que les qualités du jeu ont été reconnues. Un polygone. Ouais, il est dans un top de polygone, on sait plus lequel, mais il est dans un des tops. Pas mal de prix, ouais. Globalement, il a été. C'est le genre de jeu, soit tu le hais, soit tu l'adores, mais je pense pas qu'il y ait vraiment le juste milieu, parce qu'il est quand même très très particulier. Et non, mais au global, moi, il a quand même pris des bonnes notes. Hein. Moi j'ai adoré Yannick, vraiment j'ai kiffé. Je te le dis dans les yeux. C'est Yannick que t'as adoré ou c'est Hellblade? J'ai pas compris. C'est vrai que c'est l'année d'Yannick, je suis d'accord, c'est un peu son année 2017. Donc voilà, et forcément il y a PUBG dedans, donc oui. C'est vrai que moi ça faisait longtemps que j'avais pas eu une année avec un bon jeu multi... Qui me rappelle un petit peu mes années Counter-Strike. Moi, je l'ai pas mis en classement 2017 parce que pour moi, le jeu, il était pas fini en 2017. C'était un super bon proto, c'était un super bon mode. Pour moi, c'est ça restait encore qu'un mode, proto quand même. Mais... Plus qu'un proto, mais ça restait un mode d'un jeu en fait. Et pour moi, c'est là où le jeu, il a un peu failli en fin d'année, c'est qu'ils ont pas réussi réellement à proposer un jeu qui ressemble vraiment à un jeu fini de A à Z. C'est que le principe est hyper bien, le jeu est génial, tu t'éclates, tu passes des parties de ouf. Mais dans la globalité du jeu, je trouve qu'il manque encore un truc qui fait dire d'accord, ok, c'est un jeu standalone à 40 balles qui vaut le truc. Quoi. Bah, ça viendra peut-être, mais. Je suis pas forcément d'accord. Je suis d'accord avec toi. Au début, quand il est sorti en accès anticipé en avril, c'était assez catastrophique. Mais à partir de septembre, il a commencé à être quand même vraiment très très stable. Moi, ça fait environ, je sais pas, peut-être 40 heures de jeu où j'ai pas rencontré un seul bug, où j'ai pas eu de problème. Ouais, mais ça pour moi, c'est pas un critère pour dire que c'est un bon jeu. Un jeu stable, tous les jeux sont censés être stables. Non, mais je parle. Donc. Bah ouais, mais sur le gameplay, justement, je le trouve abouti et je trouvais qu'il était abouti dès le départ. Hein. Dès son early access, et que ce qui pêchait justement, c'était les problèmes de stabilité, les problèmes techniques. Ouais, mais le jeu, c'est pas que le principe du gameplay, tu vois. Le jeu, c'est que proposer un matchmaking qui vaut le coup, virer tous les cheaters qui pourrissent le jeu, c'est proposer plusieurs cartes, plusieurs modes de jeu. Là, tu vois, ils ont vachement bien, par contre, en 2017, ils ont vachement bien peaufiné le moteur du jeu, quoi. C'est que le principe du jeu, maintenant, je pense qu'il est assez blindé, assez posé, et il est bon. Mais il y a encore un peu ce qui manque autour pour en faire pour moi un jeu fini. On est d'accord, il n'est pas parfait, il manque des trucs et tout. Mmh. Mais après, je trouve que dans l'univers des early access multi de ce genre-là, ils se démarquent un peu parce que les développeurs, justement, ils ont fait des updates très très régulières. Ils ont écouté les joueurs, ils ont vraiment fait quelque chose. Quoi. Après Daisy, après Rust et compagnie, genre de trucs, ils n'avaient pas trop le choix de toute façon. De toute façon, c'est le seul early access que j'ai acheté de ma vie, donc c'est déjà un bon site et auquel j'ai joué. Et donc voilà, il a aussi lancé un peu la nouvelle mode des Battle Royale. Hein, il a quand même fait une belle réussite. Il a fait une très belle réussite. Une montée fulgurante assez incroyable quand même. Moi, j'ai assez pris mon pied dessus pas mal de fois. Je suis d'accord. Pas mal de moments de frustration aussi, mais bon, ça fait partie du. C'est ce qui fait le plaisir du jeu. Mais je suis d'accord, le jeu est top pour moi. Voilà. C'est juste que. Donc c'est les jeux qui m'ont. Un peu marqué, après j'ai fait Wolfenstein, Cuphead, tout ça c'est sympa, mais c'est des bons jeux, j'ai trouvé, mais c'est pas non plus des jeux qui sont vraiment marquants. Voilà, Horizon, pareil. Et toi, Ludo, quel est ton avis sur cette année? Il a pas fini. Non seulement c'est moi qui suis censé animer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et puis en plus, j'ai pas fini. C'est pas au bout de la table, c'est moi au bout de la table face à Ludo. Donc je vais dire ce que j'attends pour 2018, c'est-à-dire absolument rien, parce qu'il y a rien qui super. Non, j'aimerais bien, comme Mimi, avoir une annonce sur Elder Scrolls, peut-être. Et j'attends surtout des annonces, en fait. Oui, mais Elder Scrolls, ils vont dire Akavir, tout le monde va être dégoûté parce que ça va être un truc de Jap, et voilà, et on va rire. Ouais, voilà. En fait, ils ont le choix, quoi, entre Akavir, Black Marsh, tout ça. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup de zones. Je crois qu'il reste 4 zones qu'ils n'ont pas encore explorées sur l'univers de Tamriel, donc je vais voir. Je suis d'accord aussi. L'univers de Tamriel qui est l'univers global de Elder Scrolls, et chaque épisode est en fait concentré sur une région de l'univers. Bah, donc, Morrowind, c'est Underfell, Oblivion, c'est Oblivion. Cyrodiil, pardon. Cyrodiil. Et Skyrim, c'est Skyrim. Et du coup, à voir. Une annonce sur Cyberpunk pour avoir des infos, ce serait cool aussi. Sinon, il y a pas mal de petits jeux indés qui sortent sur le premier trimestre 2018 qui me tentent. Donc, à voir ce que ça donne. Il y a quoi ? Il y a Anto's End, il y a Katana Zero. Je sais pas, ça parlera peut-être à personne. Mais... Non, pas personne. Je pense que tout le monde m'attend à un petit regard de tweet. Bref, il y a ça, il y a The Last Night que j'aimerais bien avoir plus d'infos là-dessus et qui sortent très bientôt. Voilà. C'est tout. Ok. J'ai fini. À toi, Ludo. À moi, pour conclure, non, votre top improvisé, là, il me plaît bien, malgré j'ai pas participé, au final, ça me va. Si ce n'est Zelda, mais je vais pas relancer le débat. J'ai pas parlé de Zelda, putain. C'est pas grave, je vais pas l'aborder, parce que d'une part, ça relancera un débat relou ici, parce que tout le monde l'a pas apprécié autant autour de la table. Et d'autre part, il a tellement été encensé partout ailleurs qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus. Dont par Polygon. Donc par Polygon, il y a au moins 128 articles, je crois. D'autres sites de presse. Donc non, moi, j'ai beaucoup aimé Zelda, et voilà. En petit coup de cœur qui n'était pas dans mon top parce que j'ai pas pris mes sélections personnelles, il y avait Night in the Woods que j'ai beaucoup aimé, qui était un petit jeu narratif de début d'année, qui était une sorte de, comment il s'appelait le truc avec les gamins là que t'as joué aussi, tu joues un truc avec des gamins, oui, tu sais, t'aimes bien les jeux avec tes enfants. Mais je sais, il y en a tellement, je sais plus, le truc coloré mignon, Oxenfree, Oxenfree like, mais un peu plus blasé dans le ton, et moi j'aime bien les trucs un peu blasés dans le ton, je trouve que ça c'est... Ah bon, rappelle-moi le nom de l'émission déjà, voilà. Night in the Woods qui est annoncé sur Switch d'ailleurs, donc petit coup de cœur de l'année. Et sinon le reste, je suis assez en phase avec vous, pas mal de, enfin énormément de bons jeux. Donc voilà, et 2017, c'était pas une année finalement où, à part les gros mastodontes qui avaient été repoussés plusieurs fois, comme des Persona 5 que j'attendais, j'attendais pas grand chose finalement de 2017, et au final j'ai été parfaitement satisfait de ce qui est sorti, donc je me dis peut-être 2018 ce sera un peu la même chose, parce que j'attends rien spécialement de 2018. Oui, il y a des gros noms qui sont là, qu'on attend, genre Red Dead, forcément j'irai voir ce que ça donne. Far Cry 5, ça m'a l'air, voilà, ça m'intéressera un petit peu d'aller voir ce que ça dit. Comme Matt, j'ai vu que le premier semestre il y a pas mal de jeux indés, et finalement ce mois de janvier est assez représentatif de peut-être ce que sera l'année 2018, où j'en attendais rien, et il y a déjà des Monster Hunter, du DBZ, du, en jeu indé il y a du Iconoclast, du Red Celeste qui est sorti, il y a déjà plein de petits jeux qui donnent envie d'aller voir, donc peut-être que si 2018 est constitué que de moi, comme celui-ci, ce sera très bien, quoi. Voilà. Merci. C'est tout. C'était court, je pense. Sinon, que... bah ouais, c'était quand même aussi l'année où on a fait un podcast, quoi. Donc c'est cool. On s'est bien marré. J'espère que ça continuera l'an prochain. J'espère que vous reviendrez aussi les invités de temps en temps nous voir. Et puis on s'est bien marré. Je pense qu'il y a que Will qui reviendra parce qu'il y a que lui qui a dit. Oui, moi j'ai dit que je quittais cette table et ce podcast. Tout se mettre à dire on vous aime. Vas-y, moi je voulais être un vrai aigri pour revenir, tu vois, même pas, ça marche pas. Voilà, donc vous revenez, on s'insultera mutuellement, ça sera sympa, quoi. Très bien, écoute, ouais, t'as raison, c'était une très bonne année. Et puis voilà, merci à vous pour cet épisode un peu spécial. Merci. J'espère que mon quiz vous a plu. Le quiz était très bon. Le quiz, il était bon. Ouais. Ah, les règles étaient vraiment cool. Merci. J'y vais, c'est vraiment... Source de qualité. Source de qualité. Ouais. Voilà, bon, on se retrouve le mois prochain pour un épisode bientôt un peu plus standard, classique. Ouais. On sait à propos de quoi ? On sait pas, absolument pas. En fait, okay. On sait pas. On sait pas équipe, surprise. Peut-être l'un d'entre vous, surprise. Oh. Ouais. Ah, on n'a pas le choix, un objet. Ah, ouais, t'as signé. Ah, d'accord, okay. Ça y est, maintenant on l'a signé, c'est fou. Je vais retirer ces au papier. Et je retire ce que j'ai dit. Merci à vous d'être venus et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.